oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessier sera de retour parmi nous avec son segment La crème de la crème. Cindy Gilbert viendra nous dire comment nous sentir bien dans notre peau avec Activer votre santé. Et Stéphanie nous parlera du Zone Campus. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 26 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut Stéphanie. Mercredi, jeudi, toujours Stéphanie Paradis. Oui. Content de te revoir avec nous. Ben, moi aussi, Mathieu. Ben oui, ça fait... Depuis, ça fait depuis jeudi passé qu'on s'est pas vu. Ah, je sais, ça fait longtemps. On a tellement de choses à se dire. Veux-tu qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui? Oui. OK. Donc, on va avoir à 8h Cindy Gilbert. Ta grande amie, je sais que tu t'entraînes avec elle, tu vas faire les fesses de fer après l'émission tous les mercredis. Tous les mercredis après. C'est pour c'est important. Et tes fesses sont particulièrement bien ferreuses aujourd'hui. Mm-hmm. Ça fait partie d'une alimentation saine, tes fesses. Oui. Tu sais que IGA veut m'engager pour casser les canettes, oui. Tu sais, tes mains, puis avec ça les écrase, oui. Dans Steph, t'es droit. Donc, ça, c'est à 8h. On va parler de plein de bonnes choses dans Activer votre santé. Ensuite, à 8h30, segment sur les élections de la GQTR. Comme on le fait toute la semaine, on va recevoir aujourd'hui Mathieu Roy, candidat à la présidence, ainsi que le candidat aux affaires académiques de premier cycle, William Lamontagne. Génial. Comme tes fesses de fer, pareil, la montagne. Et ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Ben oui, ouais, ben, je sais pas. Je m'en allais faire une joke d'alcoolique. Oui, ben t'es bonne là-dedans. Oui. L'alcoolique en chef. Parce que la montagne, tu sais, d'une bière qui devient bleue quand elle est froide. Oui. Ben c'est une canette, ça. C'est ça. Moi, je peux les casser. Tout à fait. Je peux les écrapoutir. Oui. Ouais. À 8h45 environ, là, dans ces coins-là, toi, Stéphanie Paradis, tu vas nous faire la chronique Zone Campus, comme on le fait aux deux semaines, parler du plus récent numéro, lire les articles dedans. Tout. Tout. Là, aucun lien avec tes fesses, par contre. Non. Non. Ensuite, à 9h, on va faire 5 semaines, ça devrait répondre là, la chronique de gadgets inutiles. Notre préféré, chez la tienne, ta préférée, tu me l'as dit plusieurs fois que c'était... Oui, mais en fait, on s'est battu avec Jean-Philippe pour avoir cette chronique-là. C'est ça? Oui. Et t'as gagné, toi, Stéphanie. Oui, moi, j'ai gagné. Voilà. on va débuter tout de suite dans quelques instants avec notre amie Alexandrine Pichessier. Bonjour. Oui, bon matin, ça va Allô? Bien. Stéphanie? Oui, Stéphanie, je tiens à dire que la barbe te va à ravir Vraiment? Ce matin. Oui, merci. Mais juste un petit duvet. Oui, ben c'est ça. Oui, puis le blond, là, écoute, nouvelle couleur de cheveux, là, fantastique. je suis changeante, c'est ça. Changeante. Oui. Une vraie top modèle. Donc, Alexandrine Pichessier, dans quelques instants, de quoi nous vas-tu nous parler juste après la chanson qui va débuter l'émission? Ben comme tous les deux semaines, Assemblage requis, la chronique La crème de la crème qui vous explique les plus cool spots à Trois-Rivières. Mais pour l'instant, ben en tout cas, cette semaine, on va parler de où apporter nos parents quand ils viennent nous visiter à Trois-Rivières. Ah, bonne idée. C'est comme un spotted, mais intéressant et utile à lire et à écouter. Oui, puis oui. Qui se met à jour parce que sincèrement, là, ils sont pas tous très à la couche. Les spotted, sérieux, là. Ouais. Ouais. Bon. Donc, on va commencer en musique avant de débuter la crème de la crème. Voici She Untamed de Mode Moderne. Untamed, je sais pas, je trouvais que ça s'appliquait bien à notre amie Alexandrine et à toi, oh, Stéphanie merci. Aussi. Ah, oh, merci. Untamed, oh, c'est beau. Tout de suite, Assemblage requis, après ça, la crème de la crème. Ça, c'est fou. Wow. Bon matin. Bonjour. Et autres. Je suis en train de mettre la mauvaise chanson, fait que je vais juste me reprendre comme ça, puis ça paraît bien. Oh, incognito. Steph. T'as le droit de rire de moi, ce que tu fais tout le temps d'habitude. Mathieu, ça commence vraiment mal. Bon, voilà. Yeah. Untamed de mode moderne. Et pour ceux qui n'ont pas compris tantôt le Untamed, j'ai cherché la traduction, je savais ce que ça voulait dire, mais le mot en tant que tel en français, on dit non domestiqué, sauvage et indompté. T'sais, c'est quelqu'un qui est comme un petit peu sauvage, tu sais, genre. C'est vous deux, ça, Stéphanie et Alexandrine. Oh. Moi, sauvage, Mathieu, quand même. Non, mais tu sais, sauvage comme dans. Non. Non, tu me connais bien. Ben plus Steph d'abord, je vais le donner à Steph. C'est bon. Je te donnerai autre chose. Bon, on va voir. Ben pour l'instant, là, c'est la chronique La crème de la crème. C'est la crème de la crème avec Alexandrine Pichessy. Bon matin, les garçons, ça va bien? Les garçons et filles, je vais le dire, je vais te le dire. En rond, je vais tasser JP, Stéphanie pour pas qu'elle m'entende. C'est bien, c'est un peu méchant là, de dire qu'elle ressemble à un gars. C'est une femme. Ben là, Mathieu, franchement, je suis capable de me défendre tout seul. Non, t'as raison quand même. Ah, je te reconnais tellement, Steph, tu me reprends tout le temps. Ben bonjour à vous deux. Est-ce que vous allez bien ce matin? Oui, ça va bien, toi. On va commencer la chronique par une petite question à vous deux. Comment sont vos parents dans la vie? Si vous pouvez les caractériser en deux phrases, par exemple. En restant positif et gentil. Et courtois. OK. Je te laisse commencer, les femmes d'abord. Ben oui, ah, merci Mathieu. Ben ça dépend dans quelle catégorie on parle. Comment ils sont? Par exemple, est-ce qu'ils sont des gens qui sont ouverts d'esprit, cultivés, sont plus conservateurs? On parle des parents de Stéphanie Paradis, bien sûr. Oui. Comment sont tes parents? Ben, c'est drôle parce que hier, justement, je parlais de ça avec Jean-Philippe. Okay. Et j'ai envie de parler de ses parents à lui. Ouais, mais là, c'est pas ça le sujet. Mais je dirais que les parents à Jean-Philippe, okay. Je dirais que ce sont peut-être plus culturels. Culturels. Ouais. D'accord. Cultivés. Ouais. Ouais, allons-y comme ça. Et Mathieu Plante, pour ta gouverne? Moi, les parents de Stéphanie m'ont dit que ses parents, il y avait un comptable là-dedans. OK. Et alors, plus conservateur. Plus conservateur, ça, c'est pour Stéphanie. Pour moi, dans les ordinateurs, pour mon père, ça. OK. Donc, geek, quand même. Y a-t-il une moustache? Je suis sûre qu'il y a une moustache. Il y a eu une moustache très longtemps, même que jusqu'à assez récemment, il y avait une moustache. Ça nous a fait peur quand on a vu son nouveau look sans moustache, mais ça lui fait mieux, je trouve. Moi, je préfère vraiment le nom moustachu chez mon père. Pour ma mère, ben, tu sais, une personne quand même assez calme, quand même assez... mais tu sais, tout en étant... Tu sais, jeune, tu sais, elle veut être jeune. Elle veut garder son aspect jeune pour toujours, je pense. Jeune de cœur, comme on dit. Ouais. Moi, mes parents... ma mère, elle est très ouverte d'esprit, très cultivée, très précieuse. Tu sais, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ben, voilà. Et mon père, lui, il est plus comme... un party animal, il est plus rocker un peu. Alors, on va voir aujourd'hui des catégories pour tous nos parents. Wow. Parce qu'avec le congé Pascal qui arrive, ben, ils vont sûrement venir nous visiter, tu sais, nos parents qui viennent de loin. Et il faut leur montrer la floraison, le plus beau de la vie trifluvienne. Alors, on va commencer avec Stéphanie. Oui. Tes parents, c'est catégorie âge d'or. Okay. Alors, pour les, par exemple, 55 ans et plus, on va dire... Alors, j'ai sorti quelques petits endroits. Par exemple, la cabane à sucre chez Danny. Oui, chez Danny. Je vais aller. C'est comme un classique d'aller là-bas, de cabane à sucre. C'est quoi ta chose préférée chez la cabane à sucre Danny, Stéphanie? La bière. La bière, bien sûr, parce que t'es une alcoolique. Oui, gaspésienne. Non, je sais pas. Moi, je te dirais, c'est sûrement pas les favolas. Non? Ouais, peut-être que ça peut être les oreilles de Chris parce qu'ils sont très salés. Salé. Gaspésienne, tu dis ça tout le temps. C'est tellement bon des oreilles de Chris. Et tout le temps en train de dire salé, Stéphanie. Salé, tout le temps. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, chez Danny. Sinon, il y a le théâtre ou salon de jeu qui est le... J'ai un blanc, aidez-moi. Tu sais, sur des forges. Le Ludoplex style, le salon de jeu. Oui. L'Oriflamme, salon de jeu, ouais. Oui, puis il y a comme aussi l'Oriflamme qui est dedans, qui est un super bon restaurant qu'on vous conseille pour vos parents qui sont très, très classiques. Il y a aussi une visite de la vieille prison qui est vraiment agréable aussi. Je sais pas si vous êtes déjà allé. Non, je suis jamais allé. Non, les deux seules fois où j'étais supposé y aller, il y avait trop de monde. Les billets, il n'y avait plus de place. On ne pouvait plus y aller. Mais c'est vraiment le fun. Puis c'est dans le centre-ville. Puis je pense qu'on peut y aller pas mal tout le temps. Puis peut-être pas pour cette catégorie-là, mais pour d'autres catégories, il y a des forfaits qu'on peut dormir à la prison. Oui. Vraiment comme des prisonniers du temps. Puis c'est beau, c'est super antique. J'adore ça. Sinon, il y a aussi le sanctuaire Notre-Dame du Cap. Qui est vraiment beau. Surtout le soir, c'est tout illuminé. Il y a des chemins, là, c'est magnifique. Et aussi, il y a le Salon du Livre du 27 au 30 mars. Alors, s'ils viennent vous voir bientôt, je vous conseille de les apporter au Salon du Livre parce que c'est toujours la fin d'aller au Salon du Livre. Ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Ben oui. Moi, je pense que ça correspond moins à ma catégorie d'âge de parents, même si ça correspond à leur âge. C'est ça. Tes parents sont pas comme ça. Mais toi, Stéphanie, en tant que grande lectrice, oui, c'est sûr que tu les amènerais là parce que pour vraiment qu'ils puissent apprendre à connaître ton côté littéraire. Exact. T'es bon, tu es française et tout. Je te connais. Ah, ça plus que tu te connais. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est une super belle catégorie. Puis tous ces trucs-là, je les verrais pour ma grand-mère, par exemple. Oui, OK. Ensuite, la catégorie, je l'ai appelée soft, mais c'est comme les parents qui veulent voir c'est quoi la vie d'étudiant, là. Ah oui. Qui veulent connaître tous tes amis puis que ça te fait un petit peu honte. T'es amènes à la chasse puis t'es laisses là. Ouais, ou moi, c'est déjà arrivé, j'amène ma mère au Gambrinus puis là, comme elle dit bonjour à tout le monde. En tout cas, j'étais un peu gênée. Alors, justement, ça commence avec le Gambrinus puis il y a souvent des spectacles qui sont vraiment le fun à voir. Il y a aussi tradition, impro à la chasse-galerie. Ben oui. C'est le fun d'amener ses parents-là, ça monte. Stéphanie a déjà amené sa mère à un match d'impro à l'automne passé, tu t'en souviens? Ben oui, j'étais là. C'est le fun, hein? Oui, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, il faut quand même, il y a souvent des jokes un petit peu grivoises à la l'huître, alors il faut faire attention au niveau de nos parents face à ça. La mère à Steph, les jokes de pète à très bien. Ah, OK, bon, c'est la place. Il y a aussi de l'impro à Louis-Philippe Poisson avec la lime, faut pas l'oublier. Oui, les mardis. Les mardis. Il y a le temps d'une pinte qui vient d'ouvrir, qu'on avait parlé à une autre chronique de la crème, qui est toujours le fun pour du café ou de la bière. Ou du chocolat aussi. C'est ça, oui. Il était bon, hein, ce chocolat-là. Mais hein, il faudrait. Je sais pas s'il y a de la bière au chocolat au temps d'une pinte. Ah, bon, c'est à voir. Je vais faire mes recherches pour toi, Mathieu. Je sais qu'il y en a à la barrique. Oui, ça, par exemple, oui. Qu'on salue. On salue. Ce serait Jean-Philippe, le gars des partenariats et des. Qui pourrait nous en parler plus. Je lui dirais, hey, la barrique. C'est pas qu'il soit pas là aujourd'hui. Non. J'aurais tellement de questions à y poser. C'est son jour, pourtant, il me semble. Non, oui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le lundi, mardi, Jean-Philippe, c'est ça. Oui. On le retrouvera là. Oui, on lui en jasera. On lui en jasera. D'accord. J'ai eu laissé un mémo sur son ordi. Il y a aussi la librairie Clément Morin. Moi, j'aime toujours aller là. Ah, je suis jamais allé, moi. T'es jamais allé. C'est le fun. Il y a comme le petit Morgane en haut. Là, mm-hmm. Tu prends un latte puis tu lis des livres littéraires. Là. C'est fun. Des livres littéraires. Et non pas le séjour. Genre, c'est la différence entre un livre littéraire. Il y a aussi le cinéma Tapis Rouge. Mm-hmm. Oui. Présente des films d'auteurs, des films actuels. Alors, pour nos parents très cultivés, c'est toujours amusant. C'est vraiment le fun. Et il y a des films quand même qui sont, mainstream, mais sans être un blockbuster, comme mettons les Dallas Buyers Club et les films qui ont été nominés aux Oscars sont au tapis rouge. En version originale. En version originale, ça, c'est le fun. Il y a aussi la boutique chez Louise Paul et le panetier. C'est comme un en face de l'autre. On en avait parlé aussi quand on avait fait sur les friperies. Mm-hmm. C'est vraiment une friperie, mais avec des beaux vêtements. Mm-hmm. Du déjà porté, mais qui de qualité. Se doit. Oh, c'est bon! Je trouve que ça devrait être leur slogan. Oui. Du déjà porté, de on qualité. On a le dans la chronique. Ce slogan vous va comme un gain une fois par année. Oui. Oh, wow! Puis il y a aussi le panetier. C'est tellement le fun d'aller au panetier aussi. Je me verrais comme bruncher là avec ma mère un matin, un petit croissant et un latte. Ça fait de bien. Oui, un petit croissant. Puis il y a des petites œuvres d'art aussi une fois de temps en temps. Alors, pour plugger les arts à l'UQTR, pourquoi pas? Puis aussi, moi, j'ai découvert ça la semaine dernière. C'est vraiment un bar que j'adore. Le cabaret Tapis Rouge. À ne pas confondre avec le cinéma Tapis Rouge. C'est mêlant pour moi, en tout cas. Là. Mais c'est pas la même chose, pas du tout. Le cabaret Tapis Rouge, c'est au Cap de la Madeleine, juste à côté du McDonald's. Puis, dans le fond, c'est comme... Comment je pourrais... C'est un cabaret, vraiment, comme dans les films. On rentre, il y a de la super bonne alcool à vendre. Puis, il y a des jams qui appellent. C'est comme une espèce de karaoké, mais avec un band. Hein? C'est vraiment fun. C'est fun. J'ai chanté là la semaine passée, c'est tellement gênant. Qu'est-ce que t'as chanté, je veux savoir. C'est mes classiques de karaoké. J'ai chanté Black Velvet de Alana Miles. Oh, wow. Puis You Hard to Know de Alanis Morissette. Quand même. Ça fait pas avec la précieuse que je suis, mais j'ai un petit côté rock à l'intérieur, les garçons. Puis il y a la propriétaire, Sonia Aéon, qui est une vraie perle. Puis elle a un groupe de filles qui font du rock hors contrôle, qui font des spectacles une fois de temps en temps. Puis ça vaut la peine d'aller voir ça. Cool. Vous pouvez suivre la programmation sur Facebook. Génial. Mm-hmm. Alors, on va tout de suite avec la dernière catégorie. Les garçons. Okay. Oui. Vous êtes silencieux. Je pensais que Stéphanie, on placote plus que ça d'habitude. Ah ben Stéphanie, des fois, elle a des journées où elle parle moins. Hein, ben oui, ça arrive. Je suis enrhumé. C'est tout enrhumé. Ah, c'est pour ça que ta voix un peu plus grave, mais oui, ça te va ça. Bien. Alors, les médicaments me font donner du poil d'en face. La catégorie cultivée précieuse, le summum du BCBG à Trois-Rivières. On commence avec le restaurant Le Poivre Noir. Okay, ouh, êtes-vous là, déjà allé? Ben non. Non, je ne suis jamais allé. C'est au-dessus de nos gammes. Mais mes parents sont déjà allés. Okay. Ah! En fait, les parents de Jean-Philippe. C'est ça, les parents de Jean-Philippe. Oui. Faut pas, c'est un petit peu facile de faire. Pourquoi on jasait de ça, là? Mais... Est-ce qu'ils ont apprécié l'expérience? Adoré. Oui, ah, j'aimerais ça y aller, mais il n'y a jamais personne qui veut m'amener là-bas. Ah, ça va venir. Il y a aussi le Visite Musée de la Culture Populaire, qui a présentement une exposition sur la petite vie. Ah, c'est ça continue encore, ça. C'est vraiment le fun. J'aimerais ça y aller aussi. Ça, c'est vraiment ma catégorie, oui. Ça paraît. Je pense que c'est la mienne aussi. Moi aussi, je pense. Parce que je suis allé voir la petite vie. Puis, toi, c'est le fun. Moi, c'est toi, Stéphanie. Oui, c'est très cool. C'est vraiment bien fait. C'est pas très long. On fait vite le tour, mais c'est très fort. Puis j'ai pris une photo avec le lit. Oui, il y a plein de monde qui prend des photos avec le lit. C'est un classique. Le téléphone, je pense, t'as fait aussi, j'ai vu ça sur Facebook. Oui, puis la dinde aussi. La dinde. Puis le frigo avec plein de pâté chinois. Ah ouais. Tu veux que je te dise toutes les punches? Ben là, non. C'est trop tard pour ça. J'irai plus là-bas. Non, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Puis il y a souvent plein d'autres expositions qu'on peut aller voir en même temps, donc ça vaut le coup. Oui, c'est comme un secteur culturel au Trois-Rivières. Oui, au centre-ville. Il y a aussi le musée Borealis. Moi, je suis jamais allée non plus. Je sais pas pour vous. Non, malheureusement. Oui, moi, je suis allée. OK. C'est sur les pâtes et papiers. Oui, exact. C'est vraiment intéressant. Puis typiquement trifluvien. Oui, typique. Puis il y a beaucoup de gens que je connais qui travaillent là. Alors, l'animation est de qualité, laissez-moi vous dire. Bien sûr. Il y avait un match de la Luitre ou de la Lime ou un match d'impro. Ouais, en fait, il y avait des joueurs de la Lime aussi. C'était confondant. J'ai vu des photos. C'était impressionnant quand même. C'était cool. Oui, c'était très cool. Très, très industriel, ça, je trouvais. Ouais, c'est fun. Oh, c'est tellement, tellement beau. Puis aussi, te promener dans le port, c'est tout simple. Ça coûte rien, mais c'est beau. Puis il y a plein de beaux poèmes écrits partout. Tu sais, Trois-Rivières, ville de poésie. Oui, oui. C'est sûr, des fois, il faut que tu contournes quelques petits gens enfants qui font du skate là, illégalement, là, mais oh, c'est pas grave. J'imagine, si on écoute la petite trame de fond de la chronique, là, se promener au centre-ville de Trois-Rivières avec les poèmes, ça donne envie de tomber en amour pour la première fois. Et de se faire inviter au Poivre Noir. Oui! Oh, oui. Après une visite au Borealis. Je pense que je vais me promener au centre-ville plus souvent. Il y a aussi la Maison de la Culture, avec la bibliothèque, la salle Anaïs à la Rousseau. Il y a d'ailleurs une pièce vraiment cool qui se joue au mois d'avril, qui s'intitule Lapin Lapin, avec une comédienne hors pair qui joue dedans. Je vous le conseille. Mais il y a surtout le centre d'exposition Raymond Lasigny. Je ne sais pas trop. Raymond Lasigny. Raymond Lanier, désolé. Et il y a vraiment des super belles expositions qui sont là. Puis si je ne me trompe pas, c'est gratuit. Je pense que oui. Je m'en allais faire confirmer l'affirmation comme ça, vraiment. Parce que quand je vais voir une pièce à Anaïs, je rentre toujours, c'est gratuit. Il y a des très, très belles choses. C'est parce que t'es big shot. T'es une actrice reconnue. Ah, Mathieu, flatteur. Puis aussi, pour conclure, la boutique Olive, O-L-I-V, qui vend des huiles d'olive de tout genre et de toute catégorie. C'est très, très, très cool. Ils vendent aussi de la vinaigrette. De la vinaigrette. Du vinaigre balsamique? Oui, du vinaigre, point, pour faire de la vinaigrette. On dirait comme une blague que Jean-Philippe aurait fait. Pour de vrai, oui. Moi, mais c'est... Je sais pas. Ouais, histoire pas de punch. Histoire pas de punch, mais... C'est Stéphanie, fait que je te ferai pas ça. Merci. C'est ça. Mais alors... je les ai vus, c'était au Délices d'automne. Puis j'ai été surpris. Moi, je pensais qu'il y aurait de l'huile d'olive bien traditionnelle, tout simplement. Mais il y en a comme 45, je pense. Oui, c'est vraiment des produits fins qu'ils ont à la boutique Olive, parce que de l'huile d'olive, c'est un produit fin. Il y en a tellement plein de sortes. Soyez créatifs, achetez de l'huile d'olive. Il y avait une huile d'olive au chocolat framboise, il me semble. Oui, j'ai goûté à ça. Ouais. J'ai goûté, c'est très bon. Ouais. Oui. Ça doit être bizarre de faire une dégustation d'huile d'olive. Tu sais quoi, il y a une cuillère d'huile puis tu y goûtes. Mais t'as un petit gobelet. OK. Un minuscule petit gobelet, style rince-bouche, je sais pas trop quoi. Verser là-dedans, tu le verses, ça vient enrober ton œsophage. Mais étant donné que t'as pas. Des fois, je pense qu'il y en a qui vont donner un petit morceau de pain une fois de temps en temps, il me semble. Ouais, mais ça, c'est la madame sous le banc, ça. C'est ça. Ça donne à manger aux oiseaux. C'est les oiseaux qui viennent, qui reviennent avec leur morceau de pain de la madame, puis qui disent tiens, en veux-tu pour ta trompette. Mais non, je trouve que ça fait bizarre de goûter à ça. À froid, mettons. Mais c'est sûr. Après, au moins, nous offrir de la salade, franchement. Une salade à chaque échantillon. Est-ce que tu peux essayer vraiment comme le nombre d'échantillons que tu veux avant d'acheter? Donc, ce serait pas rentable. Tu prends 64 livres d'huile. Et je rappelle que l'huile d'olive est très bon pour les cheveux. Ah, d'accord. Mais pas de qualité. Tu prenais de la cheap, là. Est-ce que tu le mets sur tes cheveux? Ben, j'ai un petit... truc maison, ouais, là. Oui. Pour avoir des cheveux aussi parfaits que les miens. Ils le sont, j'en témoigne. On prend un bol avec un avocat, un œuf, un peu d'huile d'olive, du jus de citron. Une guacamole. Mais c'est comme un peu comme de la guacamole. Une salsa con queso. Mais avec des œufs. Puis on se met ça sur la tête 30 minutes, on rince, puis ça vous fait des cheveux, là. Wow. D'une splendeur révolutionnaire. Pendant un petit moment, tu ressembles à Bibi et Geneviève. Ah, ça pue en plus. Ah, oui. Ça sent vraiment mauvais, mais ça vaut la peine. Ah, c'est bon avec des chips. Ben oui. J'imagine, t'as ton truc sur la tête, ton chum y arrive avec une costume. Génial. C'est terminé. Oui, déjà. Oh, mais pas déjà, aux deux semaines, là, comment on est en train de virer fou sans toi par là. Ça fait deux mois qu'on. Non, un mois quand un même, pas mois, deux je mois. Sais, mais le prochain. Je dis que. Ah, tu vois, c'est la sauvage qui ressort. Oui, donc non, on avait raison. Pas sauvage, pas sauvage. Jamais. Mathieu Plante, tu me connais mal. Ben voilà, dévergondé. Alexandre, ouh. Je suis émoustillé. Alexandre, puis voyons, Mathieu, ça t'en prend pas pour gros. Non, c'est ça. Mais là, par exemple, oui. Mathieu Plante, j'accepte ton invitation de faire le côté féminin, étant donné que Stéphanie n'est pas là. Elle est là, Stéphanie, arrête. Elle est là, elle est juste là. Mais Stéphanie, je me sens mal. Avec barbe. Oui, Stéphanie avec barbe, j'aime ça, c'est drôle. Donc, je vais rester encore un petit peu avec vous. Reste avec nous, s'il te plaît. Tu serais très gentil. Ça me fait plaisir. Je pensais que tu allais dire ton invitation au poivre noir. Oui, moi aussi, je m'en allais là-dessus. Je t'invite au poivre noir, mais c'est toi qui payes. OK. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour une autre chronique, la crème de la crème. Mais comme on dit, tu restes avec nous pour, dans quelques instants, une prochaine chronique, celle de Cindy Gilbert. C'est Activer votre santé qui s'en vient. Alors, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. Les poux dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, vous êtes toujours à Assemblage requis. On se mercredi 26 mars 2014. Il est Stéphanie Paradis. Et il est Mathieu Plante. Avec barbe. Avec barbe. Pas Mathieu Plante avec barbe. Mathieu Plante a toujours un début de barbe, par contre. Parce qu'il se rase pas. Elle est bien entretenue, Mathieu. Je te félicite. Ben, merci, Colin. Je vais le prendre. Moi aussi, en tant que féminine convaincue. Féministe. Je trouve que t'as une barbe bien entretenue, Mathieu. Ah, ben, Colin, merci. Stéphanie, toi aussi. Merci. on est avec notre amie Cindy Gilbert. Tu connais Stéphanie, vous qui faites le cours de fesses de fer ensemble tout le temps? Ouais, oui. Ben, j'avoue, je viens de rentrer, j'ai fait « Oh, Stéphanie, tu vas-tu venir faire mon cours? » J'arrive. Oh, c'est tantôt, juste après l'émission. Hein, Stéphanie se rend toujours se faire des fesses ben de fer. Oui, mercredi. Voilà. Donc, Cindy Gilbert, oui, la voici à l'instant. Et c'est Activer votre santé. Nous voilà, après cette intro de... donc, c'est Activer votre santé. Cindy Gilbert, bonjour. Salut! Donc, Stéphanie, Alexandrine, oui. Mathieu, tout le monde est là pour pouvoir parler pendant ta chronique. Yes! De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Aujourd'hui, dans le fond, cette semaine, je vais vous parler des mythes et réalités à propos de l'entraînement. OK! Alors, on devrait en passer quelques-uns ce matin. Ça va dépendre comment le sujet va s'étaler. De nos connaissances, on sait que Stéphanie est l'experte en entraînement. Donc, oui. Voilà. Ben, ah, oui. Ben oui. Regarde-moi bien aller, Mathieu. Ben, je te regarde. Fait que c'est ça, là, c'est un deal. Là. Tu viens faire mon cours de fesses de fer, Stéphanie. Là. Oui, ben c'est ça que je disais à Mathieu un petit peu plus tôt. J'ai tellement des fesses de fer que UGA, c'est moi qui écrase les canettes. Oh mon Dieu! On l'appelle la casse-noisette. Oui, casse-noisette. Mais sans noisette, parce qu'évidemment, Stéphanie. Pas de noisette. Mais là, moi, j'ai comme un peu de peine. Qu'est-ce qui se passe avec Stéphanie? Non, c'est Stéphanie, là. Okay. C'est bon, ça. OK. Elle a pris des hormones. Là, d'après moi, c'est... Théâtre! Ah! Donc, mythe par rapport à l'entraînement, mythe et réalité. Oui! Bien là, on va faire ça interactif. OK. Ça va ressembler à ça. Je vais vous poser une question. Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, selon vos connaissances. Okay. Là, habituellement... C'est un quiz. Ah oh, oui, ça va être super le fun. Là, c'est des buzzers. Oui. Il faut péter dans le micro. Y a-t-il quelque chose à gagner? Il faut chacun un bruit pour pouvoir... c'est votre buzzer. Là, habituellement, moi, je travaille avec le yin et le yang, là, avec Mathieu et Stéphanie. Là. Okay. Alors, Mathieu, qui habituellement est notre force noire. Me voilà, on m'appelle the black force. Et Stéphanie, qui est notre force blanche. Oh! Alors, fait que t'es... Je suis la force blanche. Fait que, ouais, Stéphanie, t'es notre force blanche aujourd'hui. Good, excellent. Alors, je vous pose une question. Si je m'étire après un entraînement, je vais être moins raqué le lendemain. Si je m'étire après un entraînement... Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai. Moi, je dirais faux, Mathieu. Juste pour être le contraire de moi, parce que c'est tout le temps contre moi, c'est ça? Fatiguant. Moi, je dirais faux aussi. Ouais? Oui. Alors, la réponse est... à la question, est-ce que si je m'étire, est-ce que je vais être moins raqué le lendemain? Eh bien, c'est faux. Faut s'étirer avant. Ah. Mais franchement, Mathieu, non, c'est évident. J'aime ta réponse. Faut s'étirer avant. Okay, faut s'étirer pendant. Faut s'étirer pendant. C'est ça mon entraînement, ouais. Juste m'étirer. Tu fais un cours de fesses d'affaires, puis tu t'étires les fesses en même temps. C'est super. C'est super utile. Alors. On va faire un test ensemble. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux pas juste vous garrocher la réponse puis je m'en vais après, ma jambe est prête. Un des trucs qui revient souvent, on entend souvent parler de l'acide lactique quand on est raqué. De dire, bon, ben là, je fais un mouvement, puis là, l'acide lactique se ramasse tout dans mon muscle. Puis si je viens m'étirer, ça vient estomper l'acide lactique. Ça fait en sorte que je suis moins raqué le lendemain. Mmh. Ça, c'est une des croyances populaires qu'on va entendre souvent parler. Je vais vous faire un test pour voir ce qui se passe avec l'acide lactique. Fait que là, vous allez participer. Wow! Yay! Allez, okay. Aussi. Vous allez placer les mains devant vous, peut-être comme parallèle au sol. Bien droite. Ouais. Okay. Avec des bons ongles vers le bas. Merci. Puis là, il ne faut pas toucher la table. Hein. Le but, c'est de créer une petite fatigue dans vos mains. Ouf. Vous allez fermer les poings. Ferme les poings. Puis ouvrir les poings. Ouvrir les poings. Fermer les poings. Mm-hmm. Ouvrir. Ferme. Et on essaie. Ferme. Gros, c'est magnifique. Très rapidement. Le plus rapidement possible. Et ce, pendant 30 secondes. Alors, c'est commencé, il est 4-50 secondes. Là, tu me le dis quand ça va faire 30 secondes, bon. Là, je vais être en arrière de moi. Jusqu'à 15 environ. Aïe, aïe, hein? Je veux voir, là, c'est quoi votre feeling en ce moment? Là, vous continuez, là, je vous fais parler en même temps. Je trouve que j'ai un beau bracelet. Ouais. Oui, ça tire pas mal. Ça tire? Sentez-vous la petite sensation de chaleur qui commence, là? Ça sent bien. Ça sent bien? J'ai mal comme dans les muscles des avant-bras. Je savais pas que ça existait, d'ailleurs. Je suis pas capable d'aller aussi loin, on dirait, avec c'est mes fou, doigts. Hein? Le fait de bouger les doigts 5 comme secondes. Ça. Ouais. 4. 3. 2. 2. Ah! J'ai chaud, là, je suis rouge! J'ai le grand papier! Mon Dieu, t'es pas en forme, les garçons! Ah, ça remet, ça! Force noire enlève sa chemise! C'était beaucoup plus que je suis habituée! Alors, ce qui vient de se passer au niveau des. Oui, il y a des contractions musculaires qui se sont faites, mais oui, une accumulation d'acide lactique qui s'est ramassée toute dans les avant-bras, puis c'est en partie une des raisons de la cause de la sensation de chaleur que vous avez eue, l'inconfort que vous avez eu pendant le temps que vous faisiez l'exercice. Là, je veux voir, ça fait déjà peut-être une trentaine de secondes, vous avez fini. Est-ce que déjà, en ce moment, c'est moins terrible que pendant que vous le faisiez? En ce moment, là. Moins terrible, j'ai des petits picotements un petit peu dans les ouais. mains. Moi, je sens moi, rien. Ça va. Là, c'est pas pire, ouais? Ouais, moi, ça va aussi. Ça va aussi, Stéphanie? Oui. Oui. Ben, je m'entraîne. Oui, ben, c'est ah, ça tout ouais. le temps. Ah, oui, ça, c'est. C'est un bon point aussi. Stéphanie fait des cours de fesses d'affaires avec elle tout en feu. Temps. Au ben, voilà. Des avant-bras. Alors. Tout le temps, les mains, les fesses, hein? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. OK. Ceci étant dit, l'acide lactique, on l'élimine rapidement de notre corps. Après quelques secondes, quelques minutes, c'est déjà tout estompé. Fait que le fait, ça, c'est tout ça. Vous avez fait souffrir juste pour vous montrer à quel point que 24 heures plus tard, l'acide lactique, on s'entend dessus, est parti. Elle est parti parce qu'elle part dans les minutes après. Okay. Est-ce qu'il faut que je prenne un shake vu que je me suis entraîné? T'as pas écouté dans l'autre chronique? Je peux aller chez Jugo Juice me chercher un drink à sa pièce. Pourrais, mais moi, je te suggérerais de prendre une belle petite gorgée d'eau à la place. OK, merci. Fait que tasse la bière qui est à côté de toi. Je suis découvert. Alors, fait que déjà, en partant, on vient d'enlever le mythe au niveau de l'acide lactique. Le fait de s'étirer par-dessus de l'acide lactique, ça c'est bon rien. Le lendemain, elle est partie. Elle n'a plus rapport là-dedans. Là. Fait que ça, c'est un des premiers points. Mm. Là, j'ai plein d'affaires à vous faire tester. Non, restez assis. On fait la même chose avec les pieds. Oui, c'est ça. Avec les orteils, voir ce qui va se passer. Ensuite, est-ce que les exercices cardio par rapport aux exercices musculaires, il y en a qui vont faire en sorte qu'on va être plus raqué ou moins raqué le lendemain? Ça, je fais une parenthèse là-dessus parce que c'est quand même intéressant. Quand on demande un effort important à nos muscles, c'est-à-dire maintenant qu'on va faire un squat avec une barre qui pèse 200 livres sur nos épaules, il va se créer quand même des petites déchirures dans nos muscles qui vont faire en sorte que, oui, on pourrait être raqué le lendemain. Ces micro-déchirures-là qui vont se passer dans vos muscles. Là, mettons, je me mets à la place du muscle. On va faire du concret. Je suis un muscle. Enchanté. Moi. Bonjour, muscle. Alors, on accueille alors, le muscle. Stéphanie, muscle. Oui. Stéphanie. Alors, le muscle, il se dit au moment où on fait une contraction musculaire. Exemple, je fais un exercice de biceps. On a un poids dans la main, on fait une flexion, on travaille le biceps. Le muscle, il va se dire à ce moment-là, il va... Moi, je suis le muscle. Hit ta boîte! C'est bien dur ce qu'elle me demande le matin. Le muscle, il va se dire, OK, là, là, elle me demande un effort intense. Oui, il faut que je m'adapte à cet effort-là. Fait que oui, il peut se créer des petites micro-déchirures, des micro-blessures à ce moment-là, mais le muscle, qui est assez intelligent, il va dire, ben là, moi, la prochaine fois que Cindy, on va te demander cet exercice de malade mental-là. La prochaine fois, je vais être adaptée à cet exercice-là. Ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devenir, il va s'adapter, il va devenir un petit peu plus fort, il va devenir un peu plus résistant, puis il va devenir un peu plus épais aussi. Puis ça, c'est le principe de raffermissement, d'hypertrophie du muscle. Quand on va demander un exercice musculaire à, un exercice musculaire à notre muscle, il va prendre de l'expansion, il va devenir de plus en plus fort et de plus en plus adapté. Ça, c'est un principe d'entraînement en tant que tel. Mais le micro-bobo, là, le micro-déchirure qui est dans le muscle, qu'on vient de faire au niveau de la contraction musculaire, le fait de faire un étirement par-dessus ce micro-bobo-là, puis là, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que, moi, j'ai une blessure, là, j'étire ma blessure. C'est est-ce pire. Que ça pourrait être pire? Ça pourrait être pire. Vraiment, c'est dans le cas vraiment d'un entraînement en grande, grande hypertrophie. Mais mettons, monsieur, madame, tout le monde qui s'entraîne dans un gym, le fait de venir étirer ces micro-bobos-là va pas faire en sorte que le lendemain, on va être moins raqué. Mm-hmm. Il est là, le bobo. Puis tant mieux s'il est là, parce que c'est grâce à ce bobo-là que le muscle va se dire, OK, elle m'a demandé ça, je vais devenir encore plus fort, encore plus endurant. Fait qu'il y a des effets, c'est bon, puis c'est correct d'être raqué le lendemain. C'est un peu désagréable, mais ça fait quand même partie de la vie. Le fait de s'étirer par-dessus ça viendra pas faire en sorte qu'on va être moins raqué le lendemain. C'est comme un mythe. Là, vous allez me dire, ouais, mais d'abord, à quoi ça sert un étirement? J'en ferai plus. Mais là, ça sert à quoi les étirements? Mathieu, toi, t'arrêtes de faire ton yoga matinal avec les étirements, là, sachant ça. Que. Dorénavant, là, j'arrête. J'en ferai plus. Il y a des bienfaits aux étirements quand même. Là. C'est sûr, là, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, quand je m'étire, ça me fait du bien. T'sais, je suis raqué, je m'étire, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Oui, ça fait du bien. T'sais, vous levez le matin, là, vous êtes jamais, vous êtes raqué. Vous avez besoin de sortir du lit. Là. Ben oui, le fait de vous activer, j'aime ça, activer. Le fait votre santé. Ah ouais. Le fait de vous activer, le fait de bouger, le fait d'aller prendre une marche, le fait de vous étirer, ça fait du bien. Ça vient de nous sortir un peu. Là, de, on est tous jamais. Là, on vient. Ça fait du bien, mais ça ne fait pas en sorte que même si on s'étire le jour même, qu'on va être pas raqué le lendemain. Ouais. Il y a d'autres bienfaits quand même là, aux étirements. Là. Qu'est-ce qui pourrait... Tu sais, Stéphanie, habituellement, là, tout le genre de ces réponses. Oui, moi, je dis que ça pourrait éviter les blessures. Oui, un étirement avant l'entraînement. Oui, puis j'aime ta question. Pourquoi s'étirer avant l'entraînement? Pourquoi toi, tu dirais ça? Ben, là, tu me prends par surprise. Oh! Mais pour réchauffer les muscles. Oh, puis j'aime ça comme réponse parce que c'est pas parce vrai. Que c'est vrai. Oh. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend aussi, puis ça rentre un peu dans les mythes et réalités. Fait que je m'en parlais vu que tu poses la question. Hey, veux-tu nous en parler dans genre trois minutes, s'il te plaît? Alors, on écoute Chemin de Gravel, deux secondes de Simon Kélu, on revient juste après. D'accord. La santé sera vraiment pas long. Je reprends mon souffle. Juste deux petites minutes pour prendre son souffle. Puis on part après ça, juste de. Good! M'en va nous construire une maison, attends-moi, ce sera pas long. Autour de moi, les gens se fuient, moi la morale, je l'ai pas comprise. Je patine sur des chemins en gravelle, on m'a dit que t'es tombé du ciel. Réchauffe, j'oublie la peur, le Big Bang dans pompe moteur. Les années dans le sablier, c'est avec toi que je veux couler. Oh, je patine sur des chemins en gravel. On m'a dit que t'es tombé. We'll be right back. Je l'avais dit que ce serait pas loin. Simon Kenny et Chemin en gravel à Assemblage Requis ont été en plein dans la chronique Activez votre santé avec Cindy Gilbert. Yes! Et on parle, on parle d'entraînement comme toujours, mais là, on parlait d'étirement autour de l'entraînement. Oui, bien, on parlait des mythes et réalités, puis Alex m'a posé une question super intéressante, puis là, j'avais vraiment le goût d'y répondre. Je te demandais si est-ce qu'il fallait s'étirer avant le Zumba ou l'exercice en question pour réchauffer les muscles, et tu me dis que ce n'était pas vrai. Bien, il faut pas s'étirer avant un entraînement. Avant un entraînement, ce qu'il faut faire, c'est un échauffement. Alors, un échauffement, ça consiste pas à prendre une position statique puis à tirer sur le muscle. Un échauffement, ça consiste à activer le corps et bouger. Y aller tranquillement. Y aller, un petit jogging. C'est ça. Exemple. Oui, un petit jogging encore là. Tu sais, si un jogging, pour toi, c'est un effort vraiment intense, okay. Commence pas en jogging. Là, je dis, ouais, c'est n'importe qui, là. Non, mais t'as absolument raison. Je cours 4 minutes puis je suis plus capable. Fait qu'à ce moment-là, ton échauffement pourrait être une marche. Oh. Ça serait bien. Puis, par exemple, tu me parlais d'un cours de Zumba. Le cours de Zumba est déjà tout monté de façon absolument extraordinaire, de façon que dans la première tourne, c'est l'échauffement. Mm-hmm. Fait qu'on n'a pas besoin de s'échauffer avant d'aller faire. Donnes des cours de Zumba. Ben voilà. Puis la plupart des cours en groupe aussi, c'est toujours ça. Ils font un échauffement pour éviter de se blesser. Parce que si on arrive pour faire autant des exercices cardio avec des sauts, où ce qui a beaucoup d'impact, on pourrait se blesser si le muscle est encore tout froid, là, s'il est tout encore tight, là, qu'on pourrait dire. Même chose au niveau des exercices musculaires. Si on demande de faire des grosses contractions avec des charges puis qu'on n'a pas d'échauffement de fait, on pourrait se blesser aussi. Ceci étant dit, c'est la même chose pour les étirements. Si on dit « je m'étire avant un entraînement », ce qui va arriver, c'est que le muscle est à froid, on s'étire, on peut créer des micro-déchirures durant l'entraînement, durant l'étirement en tant que tel. Fait qu'on pourrait se blesser si on s'étire à froid. D'où le pourquoi de ne pas faire des étirements avant l'entraînement pour éviter de se blesser aussi. Il y a un autre principe qui est intéressant. Si, exemple, là, tu vas t'entraîner, l'exercice musculaire que tu vas faire, ça va être une contraction musculaire, tu demandes à ton muscle de travailler, de forcer en se rapprochant, dans le fond, en se raccourcissant. Le fait de venir étirer ton muscle en longueur, tu viens demander exactement de faire le mouvement inverse. Fait que si, mettons, on prendrait, exemple, je prends le temps de m'échauffer, bon, pour ne pas être blessé, après ça, je m'étire. Puis après ça, je viens demander le mouvement inverse avec une charge de 50 livres de venir faire des contractions. Je viens créer le mouvement complètement inverse. Ça vient rendre notre performance un peu moins intéressante. Parce qu'on vient nous demander de s'étirer. Puis après ça, on va dire, OK, fais l'inverse, on va se contracter. Fait que tu viendrais diminuer ta performance en t'étirant avant. Là, on parle de performance musculaire, là, performance au Zumba, c'est peut-être le terme. Fait que c'est pour ça qu'on va suggérer de faire les étirements après. De toute façon, on est échauffé, fait qu'il n'y a pas de danger de blessure. Puis on nuira pas à nos performances aussi. Fait que c'est pour ça qu'on le fait après. Ceci étant dit, c'est le fun de savoir aussi, dire, parce que souvent, un cours, exemple, un cours de Zumba. Mettons, animé par Jean-Gilbert. Mettons Zumba dans 45 minutes. Mettons. J'ai l'énergie cardio. Pas une parenthèse. À la fin, bon, souvent, il va y avoir soit un autre cours qui va embarquer, ou soit qu'on part, il y en a qui s'en vont travailler, ou peu importe. Ils font pas d'étirements tout de suite après. Puis là, je me fais poser la question, est-ce que c'est bon de faire des étirements le soir? Ça va être aussi payant, ou si vous faites ça tout de suite après l'entraînement, ben il n'y a aucun problème à le faire le soir. Ça va être aussi payant de le faire le soir. Peut-être juste s'assurer que si vous avez travaillé toute la journée assis... Faire un échauffement avant. Ben c'est oui, tu sais, juste t'es très bonne, Steph. Oui, c'est bien. Force blanche, elle écoute bien. Mais mettons, moi, force noire, mettons que je ne m'entraîne pas, je n'ai pas à m'étirer parce que là, c'est une relation de respect. On ne demande rien à l'autre, puis l'autre ne nous donne rien. Ben non, moi, je te dirais, c'est quand même bon parce que justement, Stéphanie... pas pire, dans mon chemin. Stéphanie nous parlait tantôt pour éviter les blessures, les étirements. On fait ça pour éviter les blessures aussi, oui. Parce que je vous donne un exemple, puis là, j'essaie que ça soit visuel aussi. Là. Exemple, les pectoraux. OK, là, c'est pas une histoire. OK, tu sais, le muscle est plus important. Je suis au-dessus des seins, ils sont pas si hauts que ça. Non, je sais pas. C'est pour l'image. Là. Est-ce que les filles ont des pectoraux? Ben oui, en dessous. En dessous de nos glandes bien, mammaires. Bien cachées. Sont des, là, c'est sont des là. Pectorales au féminin. Des pectorines. Pectorines, c'est bon. C'est bon. Pectorettes. Oui. Mettons là, qu'on travaille souvent assis. Ce qui va se passer, c'est que notre dos va courber vers l'avant. Oui. Le muscle des pectoraux va tirer vers l'avant aussi. Tu sais, c'est comme une atrophie musculaire, finalement. Oui. Là. J'aime ça, tout le monde se redresse. Oui. ce qui va se passer si quelqu'un qui s'entraîne pas là, dit ben, OK, moi je m'entraîne pas, je prends pas des étourdissements, ça sert à rien. On va l'appeler Mathieu. On va l'appeler personne noire. Toute ressemblance. Le rôle de Mathieu Plante est joué aujourd'hui par Mathieu Plante. Ce qui va se passer, c'est que les contractions, tu sais, le muscle va se contracter, plus ça va aller, plus que on va être courbé vers l'avant. Puis ça, c'est ce que tu sais, puis si on parle sur du long terme, puis on va voir souvent ça chez les personnes âgées aussi, ça va peut-être courbé par en avant à cause de notre posture. Ouais. Le fait de venir s'étirer, exemple, au niveau des pectoraux, va venir amener la posture vers l'arrière qui va ramener le dos droit. Fait que déjà, c'est plus beau. Ça, c'est le côté esthétique, c'est plus beau, on se tient mieux. Deuxièmement, pour ceux qui mesurent 5 pieds 2, on va l'appeler Sylvie Gilbert. La fille se tenir droite. Tu vois au-dessus de la table. Oui. Là, je peux voir au-dessus de mon micro en maintenant à droite aussi. Fait qu'il y a des avantages à ce niveau-là, puis ça tire moins dans le dos. Fait qu'on peut éviter des blessures dans le dos. Mais ça, c'est comme ça pour chaque groupe musculaire aussi. Tout le fait de s'étirer, ben, on prévient beaucoup de blessures aussi. Et tu sais, mettons, au travail, on parle souvent de posture et de l'ergonomie du bureau. Tu sais, mettons, on va dire, on va l'appeler le studio de Cifou. On parle son nom, mettons que les chaises sont très, très basses. Okay. Et que si je me mets les jambes 90 degrés, c'est comme si j'étais assis à la bol. Hein? Okay. Donc, je me croise les jambes, style, mettons. Ça doit pas être bon, les jambes croisées pendant genre 5 heures de radio, mettons. C'est pas l'idéal. Non, hein? C'est pas l'idéal. C'est ça, c'est ce que je croyais. Encore là, hein? Puis le principe d'ergonomie, c'est intéressant aussi. Moi, je trouve tout intéressant. Vos questions sont le fun. Tu sais, la posture idéale, c'est quoi? 90 degrés partout. Couché genre, sur le dos. Ah oui! Ah, c'est bon! Je peux-tu m'en inspirer? Dans la piscine, là, quand tu pèses rien. Oui! Ah, ah, ça, c'est dans l'eau salée. Oui. Mais mettons qu'on vient dans le contexte, mettons dans la radio, c'est fou. Mettons, appelons-la même. Vous êtes assis sur votre chaise, c'est quoi la posture idéale? Droit, ouais. Avec le dos sur le dossier, les fesses légèrement ressorties, le buste vers l'avant. Wow! Ah, wow. Pour mettre ses formes féminines en valeur. Oui, c'est beau, par exemple. La seule chose, par exemple, ça fait une grosse courbe dans ton dos. Mettons que tu essaierais de te tenir avec le dos complètement droit. Mais c'est ça, faut, sur le dossier, fait que là, faut que je me rapproche du micro. C'est ça, ça fait qu'on va animer de même si on se met le dos droit. Ah, ben, voyons, Mathieu, t'as l'air dans ton salon. Là. En plus, ça fait comme un double menton. Oui! On peut faire des selfies puis ses lettres. Là, c'est tellement pas précieux. Tu sais, ergonomiquement parlant, là, on devrait tout se situer à 90 degrés. Oui. Le dos est droit, les jambes sont droites, les coudes arrivent directement, les coudes, tout pas 90 sur la table, degrés. Pas sur la table. Reste que juste le fait de vous tenir comme ça dans la position idéale, ça demande de l'énergie. Oui. Ça demande de l'énergie, puis c'est difficile, c'est impossible. Mais est-ce que tu recommandes ça? Tout le monde, il y a beaucoup la mode des gros ballons d'entraînement comme chaise. Est-ce que tu recommanderais ça, toi? Bien, c'est intéressant parce que ça peut te faire penser de ramener ton dos droit. Ça te garde quand même actif. Ça travaille les stabilisateurs de ton tronc. Tu sais, le fait que ça ne soit pas fixe, c'est bon. Mais en même temps, ça remplace-tu une séance d'entraînement? Non. Non, ou une bonne chaise. C'est ça. Oui, une chaise ergonomique aussi. Fait que ça, c'est tandis, tout ce qui est ergonomique, là, ils disent 90 degrés, c'est parfait, mais c'est pas comme ça qu'on se tient. Les humains, ça prend beaucoup d'énergie. Fait que c'est pas mieux. Parce qu'on va être moins performant à notre travail. Fait que finalement, ce qui est recommandé, ergonomiquement parlant, c'est de bien placer votre chaise, mais de changer de position dans la journée. Quitte à vous lever debout un peu, vous dégourdir, croise une jambe sur l'autre. Fait juste pas la garder croisée de même pendant 30 minutes de temps. Jusqu'à attaquer des fourmis. C'est ça. Moi, en tout cas, en tout temps, j'ai toujours un dictionnaire sur la tête pour m'assurer d'avoir le dos droit et une posture parfaite. Ben, je me demandais justement, bon Alex, pourquoi? Mais oui. À quoi ça ce dictionnaire sur ta tête. La bonne posture, ma chère. Ça explique des choses. Fait que voici, ben ça, c'était le mythe et réalité au niveau de les étirements. Mais donc, quand Steph me demande au travail d'y masser les mollets, c'est pas approprié. Faut juste une meilleure chaise, c'est ça? Ouais, ben, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, okay, c'est bon. Artier, ça, moi, Steph, je serais tellement curieuse de voir ton niveau de jambes rasées aujourd'hui. Là. Ah. On peut-tu le voir? Je suis dû. On regarde la caméra 3. Puis, Steph, voyons, c'est les médicaments. C'est JP qui tousse tout le temps. Après, ta voix mieux. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, On dirait que je prends ses habitudes. C'est ça. Et puis faire du yoga dans du chaud. Est-ce que ça change quelque chose? Yoga. Oui. Ben, ça peut faire en sorte que ton muscle va être un peu plus détendu. Ça pourrait faire en sorte que tu pourrais aller chercher plus en profondeur. Il y a des avantages, puis il y a un paquet d'études qui ont été faites quand même sur ce sujet. Puis, règle générale, c'est quand même concluant. Le monde va aller chercher un petit peu plus d'amplitude de mouvement, mais il faut aimer ça. Oui. Moi, c'est sûr, je suis en connaissance si je vais là-dedans. Mm-hmm. C'est complètement un autre, mais c'est quand même bien. Mais il faut donner le corps aussi, le temps au corps à s'adapter, là, ce genre d'exercice-là aussi. Oui. Ben, c'est intense, là, il fait chaud, là, c'est difficile aussi. Là, pour. C'est dans un sauna, c'est quoi? Un quasiment. Quasiment? Oui. Ouais. Hey, puis, c'est le fun en plus, ça fit avec la prochaine. J'en ai une pour vous autres. Là, vous allez me répondre. OK. Chacun votre tour avec votre buzzer. Si je sue lors d'un entraînement, ça veut dire que j'ai travaillé fort. Non, je pense pas. J'aurais dit vrai parce que je vais juste monter une marche chez nous puis j'ai soufflé. OK. Mais ça veut dire qu'elle aurait travaillé fort et soufflé. Ouais, sueur. Est-ce que la sueur, ça a rapport avec notre degré d'intensité? Mais je pense pas parce que l'été, je travaille à l'extérieur, je suis assis, je sue. Oui, même moi, je sue. Mm-hmm. Mais ça sent les roses. Oui, c'est ça. Ça goûte bon aussi. Ça goûte la fraise. Toi, Stéphanie, tu sembles t'abstenir sur la réponse? Non, moi aussi, je dis faux. Je dis que ça n'a pas rapport. Faux. Ben, effectivement, ça n'a pas rapport. Mathieu, désolé. Quand j'arrêtais parce que je commençais à suer et que je pensais que c'était assez, donc... C'est ça. C'est que tu as des principes physiologiques qui sont quand même vraiment intéressants au niveau de la sueur. Premièrement, à quoi ça sert, la sueur? Refroidir ton corps, Mathieu. Ah oui! C'est bon. C'est bon parce que c'est ça, dans le fond, c'est un principe d'évaporation de la chaleur corporelle. Dans le fond, ce que notre corps veut, c'est maintenir une homéostasie. Hein, fait que homéostasie, qui veut dire, pour Mathieu, ça veut dire équilibre. Il veut maintenir l'équilibre. Fait que notre corps a une certaine température pièce. Oui. Quand on va faire des exercices musculaires, ça va augmenter la température de notre corps. Comme Alex le disait, quand il fait chaud, ça augmente la température de notre corps. Alors, physiologiquement parlant, notre corps va essayer de s'adapter pour éliminer cette chaleur-là. Ceci étant dit, ce principe-là, il est différent pour chaque individu, puis il est différent aussi selon si notre corps est adapté ou non à un exercice qu'on va demander. Si on rentre dans le principe des exercices, là, par exemple, quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui s'entraîne pour la première fois, va, par exemple, aller marcher à l'extérieur, bien, cette personne-là, probablement, puis ça c'est un probablement parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte que je vais vous parler après, va suer moins que si son corps s'adapte à l'exercice, puis il commence à faire des exercices un peu plus, puis ça on parle dans une période de plusieurs semaines, plusieurs mois, le corps va s'adapter à l'exercice, puis il va être encore plus... il va être encore plus facile pour le corps d'éliminer la chaleur par l'évaporation par la sueur. Puis ça, un exemple concret que je donne, parce que moi au début je trouvais ça presque spectaculaire, je regardais... les Monsieur Muscles à la télé. Oui. Tu sais, ils vont faire, une vidéo, là. Ils vont faire des exercices de biceps, par exemple. Mm-hmm. Puis là, ils font l'exercice, là. Puis là, tu regardes, puis ils suent. Puis là, on dirait, moi, mon regard de spectateur, là, je me dis, mon Dieu, mais il a donc bien de l'air à trouver ça difficile. Mais regarde, c'est sexy. C'est ça. Ah, c'est beau. C'est beau. Surtout quand il est tout bronzé. Moi, je pensais que c'était de l'huile, Mathieu. Il ferme légèrement les yeux. Ah oui, mon téléphone. Tu sais, là, la petite goutte. On dirait, c'est porté à croire, tu dis, mon Dieu, mais la sueur que. Mais il force donc bien, c'est donc bien difficile pour lui. Ben non, le monsieur muscle, dans le fond, c'est que son corps s'est adapté aux exercices qu'on lui a demandé. Fait que lui, il va faire des exercices de biceps, puis il va se mettre à suer tout de suite. Parce qu'aussitôt qu'il demande à son corps un effort, son corps va tout de suite dire « OK, je suis habitué, je sais comment ça fonctionne, on sue, on fait sortir la chaleur. » Fait que c'est pour rendre, dans le fond, notre corps encore plus efficace pour les exercices, pour réguler la température du corps. Ceci étant dit, moi, j'ai vécu cette expérience-là de façon personnelle aussi. Quand j'ai commencé à m'entraîner il y a 15 ans de cela. Ça me donne la vieillesse. J'ai commencé à faire du jogging. T'avais 5 ans. Très peu. J'avais 15 ans. J'ai commencé à faire du jogging et puis là, je me suis rendu compte que je faisais du jogging. Colin, ça allait bien. Moi, je ne suais pas. Là, je me disais, ah, moi, je suis quelqu'un qui sue. Pour... Même je prenais une douche après, par principe. Là, je me disais, bon, on va retourner à l'école après. C'est aussi bien de prendre une douche. Vous gardez des amis encore. Puis moi, je me disais, ah, moi, je ne sais pas, ça va bien. Je ne sue pas, ça va... Aujourd'hui, je fais partie de la catégorie du monsieur Musk qui fait un bicep, un exercice de bicep, puis qui se met à suer. Mais là, c'est absolument incroyable. Mon corps s'est complètement adapté à l'exercice pour éliminer la chaleur. Est-ce que, tu sais, là, sur un beau bronzé, moi, c'est mon avis personnel, le beau bronzé à télé là, qui fait ses exercices, qui est tout en soie, mon Dieu, je trouve ça sexy. Moi qui donne mon cours de Zumba aux fesses d'affaires qui est tout en soie avec le toupette qui me tombe dans la face. Oui, hein? Est-ce que je trouve ça sexy? ça colle, genre, dans ton front. Là, tu lèves légèrement, puis ça retombe, non. C'est ça, tu dis, non, bon. Fait que ça, on passera sur cet aspect-là. Là. Mais il y a un principe d'adaptation. Pour au moins terminer là, ce mythe-là, là, il y a d'autres principes aussi, hein, parce que j'entends, puis des fois, il y en a qui vont me dire « Oh non, ça n'a pas rapport à ce que tu dis. » Il y a un monsieur qui m'a dit ça. J'expliquais ça dans un cours de spinning que je donnais, puis il disait « Non, moi, je commence à m'entraîner, là, puis check ça comment je t'en sors. » Il a raison. Parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y en a qui le sont... Le surpoids, c'en est un, parce que, justement, on en a parlé dans une autre chronique, plus qu'on a du gras corporel accumulé... Ça prend de l'effort. Ben, ça prend de l'effort, mais surtout, c'est l'effet isolant. Mm-hmm. On est mieux isolé. On a plus chaud, fait qu'on sue plus. Ça, c'est une des possibilités. Pour entretenir la masse musculaire aussi automatiquement, plus que tu as de la masse musculaire, par exemple, les hommes vont avoir une plus forte masse musculaire. Ils vont importer à éliminer plus de chaleur aussi que les femmes. Ça se peut que les hommes suent un peu plus que les femmes. Ça, c'est tout le temps d'ordre général. Il y en a qui sont nés pour suer. Le nouveau film de Denzel Washington. Né pour suer. Puis ils vont sortir le 2, c'est né pour faire suer. J'ai hâte de voir le 2. Oui. Fait que ceci étant dit, il y a plusieurs facteurs physiologiques, il y a plusieurs facteurs d'adaptation à l'entraînement, puis il y a plusieurs facteurs aussi morphologiques, génétiques, qu'il va y avoir aussi. Fait que la soeur, faut pas se comparer avec ma madame qui est à côté de vous autres dans le cours de Zumba. Si vous dites, bon, elle, elle ne suit pas pantoute, elle ne doit pas travailler, hein? Ça n'a rien à voir. France, déjà entendu. Oui. Ça n'a pas rapport parce que d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Et de vous-même à vous-même, ça peut être différent aussi. Exemple, vous venez faire un cours en groupe. On est 20 dans le local. C'est le même cours. Là, vous dites, ben là, moi, il me semble que j'ai eu moins chaud aujourd'hui, c'était moins efficace. Mais vous venez refaire le même cours deux jours après, mais vous êtes, on est 45 dans le local. Il fait plus chaud. Mais oui. On sue plus automatiquement. Tu dis, voyons, aujourd'hui, hey, c'était plus intense, j'ai eu plus chaud. Ouais, non, mais il y a peut-être juste plus de personnes dans la pièce. Il faisait plus chaud dans la pièce. On ferait le même cours de Zumba à l'extérieur. Il fait beaucoup plus chaud aussi. Fait que oui, on sue plus. Fait que tu sais, il y a le facteur aussi au niveau de la température là, qui rentre en ligne de compte. Fait que, morale de cette histoire, quand vous faites des exercices, mesurez-vous pas avec les autres personnes autour de vous. La sueur, ça fait partie de la vie, mais c'est pas une mesure pour dire est-ce que j'ai travaillé fort ou est-ce que j'ai pas travaillé fort. Ça dépend d'un paquet de facteurs aussi. Des bonnes soirs, comme à l'église. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Et on finit ça là-dessus. C'est une joke du lundi mardi, ça. Alors, là, c'est tout pour mes mythes et réalités pour aujourd'hui. Hey, j'ai eu le temps d'en passer deux, voyez-vous, c'est parce que c'est tellement intéressant. C'est ça, tellement trop intéressant. Oui. Ah, oui. Ça devrait être une chronique hebdomadaire, mais oui. On a Tokyo deux semaines. Ah, voilà. Fait que la prochaine chronique, ben là, soit qu'on passe les autres, soit j'ai des mythes aussi et réalités au niveau de l'alimentation qui est super intéressant. Aussi, fait qu'on va, mais on va moi, je pense que ça serait plus intéressant. Ah oui, en plus, moi, toi, okay. Tu serais intéressant. De toute façon, tu continueras cet été, si tu veux. Ah, tu vas faire les sujets que tu as oui, pas fait. Ah oui, oui, les sujets à propos. Je vais t'écouter, soleil, en tout cas. Ah. Alors, un gros merci à tout le monde. Merci à toi. Merci. On se voit tantôt. Oui, aux fesses de fer. Yes, Stéphanie, qu'on est faire mon cours de fesses de fer. Bien sûr. Cindy Gilbert, donc, à dans deux semaines pour activer votre santé. Good. Merci. Donc, nous, on est toujours à Assemblage Requis, et toujours avec Stéphanie Paradis, Mathieu Plante, Alexandrine Pichessine. Salut. Dans quelques instants, notre blog sur les élections de la GEQTR. Ça s'en vient dans quelques minutes. Mais avant ça, ceci. Bonne soirée. Bonne soirée. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Petit fait intéressant, saviez-vous que c'est Alexandrine Pichessier qui disait « Vous êtes assez fou dans l'identification de station comme d'entendre » et elle s'est trouvée elle-même sexy. C'est vrai. Cochonne. 89 ans. Refais ça. 89 ans. Ah. Avec vous toute la nuit. Elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Merci beaucoup. Dans quelques instants, le blog sur les élections de la GEQTR. On va recevoir le candidat à la présidence, Mathieu Roy, tantôt, ainsi que le vice-président, peut-être futur potentiel, aux affaires académiques de premier cycle, William Lamontagne. C'est dans quelques instants. Avant ça, par contre, The Back 80 et Airborne sur C'est Fou. Restez avec nous. Toute la nuit. Je capote. Wow, live! More than to help you. The Pack ID, la pièce Airborne à Assemblage Rocky au 89 FM, bien sûr. Toute cette semaine, c'est le vote des élections de la GEQTR qui a lieu sur le portail étudiant jusqu'à jeudi 23h45. C'est ça, 23h45 que jeudi soir. Ouais. Donc, tu peux le faire avant, si tu sais pour qui voter. Bon, on se dépêche. Ouais. Justement, on reçoit des candidats toute la semaine pour mieux voter sur le portail étudiant. Et aujourd'hui, celui qu'on reçoit, c'est le candidat VP aux affaires académiques de premier cycle, William Lamontagne. Allô? Bonjour. Salut, William. Bonjour. Ça va? Bonjour, William. Ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on a, comme tu as remarqué, Alexandrine Pichessir qui va te poser, elle, des petites questions bonus qui vont t'avantager peut-être. J'ai bien hâte de voir. Par rapport aux autres candidats. Donc, on a, nous, nos 9 questions habituelles qu'on pose à tout le monde dans le même ordre pour être juste comme toujours. OK. Donc, je vais commencer avec la première question. Stéphanie, ça te va? Ah oui, je suis prêt. Donc, la première. Prête. C'est comme au débat. Ouais, c'est ça. C'est comme au débat des candidats. Je prends les pairs. À l'échelle provinciale. c'est aucune politesse. Je vole la réponse de l'autre. Parfait. Donc, question numéro 1. William, oui. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Mon domaine d'études, c'est l'enseignement des langues secondes. Je suis dans le département des langues modernes, puis ça fait pas encore un an que je suis là-dedans, je suis en première année. Donc, c'est ça, je commence à peine. Thank you. Si, signore. Est-ce que tu peux faire une brève description de ton poste pour lequel tu te présentes? La vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, dans le fond, c'est gérer du cas par cas, c'est des dossiers ponctuels. C'est, écoute, je m'entends pas bien avec ce professeur-là, ou bien, regarde le plan de cours, je suis pas sûr qu'il est bien construit. Donc, moi, je m'assois avec cette personne-là, on en discute. Moi, je sors les règlements sur le cheminement des étudiants de premier cycle, puis on navigue là-dedans, là, tranquillement, pas vite. On cherche les recours. Solution. Possible, oui, c'est ça. Donc, si vous trouvez pas ça normal que votre professeur ait un fouet pendant le cours, on vient se plaindre. La fameuse règle. Une caméra dans le coin, là, peut-être qu'il faut... quelles sont tes expériences pertinentes pour ce poste tant convoité qu'est les affaires académiques du premier cycle? Ben, écoute, moi, à la base, j'ai une formation collégiale en technique policière. Ce qui fait que le cas par cas, je suis quand même bon là-dedans. Tout ce qui est texte de droit, lecture, recherche, ça, je suis bon là-dedans. Fait que je pense que j'aurais les qualités pour faire ce poste-là. Mmh. Et puis, quels seraient tes projets importants si tu es élu? Mes projets importants? Ben, oui. Dans le fond, j'en aurais pas des nouveaux, mais je perpétuerais peut-être les projets qui sont déjà en place, comme le Rassemblement national académique, là, qui est un peu une invitation qu'on lance à toutes les autres universités concernant ce qui se passe au niveau du personnel de soutien, du personnel enseignant, puis avec des invités. Là, on a eu un invité, justement, il y a 2 semaines, qui était le Pierre Duchesne, le ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, il a pu nous mettre un petit peu au parfum de ce qui se passait dans ces dossiers. Cool. Pour toi, qu'est-ce que c'est la GEQTR? Qu'est-ce que ça représente pour toi? La GEQTR, ça représente un moyen de s'identifier. C'est un petit peu un sentiment d'appartenance, la GE. Dans le fond, la GE est là pour les étudiants, fait des événements, s'occupe de 11 000 élèves, étudiants, c'est-à-dire. Puis l'AGE, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la vie étudiante. Ouais. Et puis, quels seraient les enjeux importants là, en général, là, de façon vraiment générale, pour l'AGE UQTR dans l'année à venir? Là, donc, l'année. Les enjeux importants? Oui. D'après moi, c'est la restructuration des instances. Je sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu. Avec les étudiants du Michel Sarrazin? Non, pas exactement. Non. Ça, c'est un autre dossier. C'est peut-être le deuxième que je l'ai embrayé dessus, mais le premier, c'est la restructuration des instances. Là, on est en train d'explorer le moyen peut-être d'avoir un mode facultaire au lieu d'avoir les instances de premier niveau AGE, deuxième niveau départemental, troisième niveau. Je fais un party d'Old chez nous en fin de semaine. Mais c'est rendu comme ça ailleurs, le facultaire. Ouais, c'est ce que je comprends. Oui, c'est comme ça à l'université de Sherbrooke, je crois, puis dans une autre coupe d'université là. OK. Donc ça pourrait s'en venir éventuellement, oui. Mais à long terme. À long terme, je pense qu'il croit changer ça en 1 et 3 ans. OK. Donc c'est ça, par faculté, par grand domaine, là, philosophie, enseignement, droit. On n'a pas droit ici, là, mais mettons exemple. Là, ce serait faculté de droit, ça sonne hot. Ouais. Ça sonne Harvard. Ça a l'air vrai. Seems legit. Oui, c'est legit. Je peux te poser une question de fille? Oui, on est rendu à la mi-temps de l'entrevue, c'est l'endroit parfait. Ça, c'est la question qui va tout dire. Est-ce que t'es plus chien ou chat? Oh mon Dieu, moi, je suis plus chien, sans hésiter. Ah oui. Déception dans mon cas. Je gagne pas de poids. Oh. La chaise approche, là. Ah, Seigneur. Mais non, OK. Alors, quelle race de chien pourrait te caractériser? Oui, quelle race de chien? Un chien qui ressemble à un chat, là. Un chihuahua. Oui, c'est ça. Non, mais si t'étais un chien, tu serais quelle sorte de chien? Je pense que je serais un berger allemand. Oh, cute. OK, c'est bon. Cute. Tu te reprends bien. Non, c'est bon. Donc, on était rendu à, c'est rendu à Stéphanie, bien ben sûr. Oui, merci Stéphanie. Mathieu de me laisser Stéphanie, ma place. C'est bien belle. Merci. Oh, romantique, en oui. plus, gagne des points. T'aimes-tu les chauds, les chiens? Oui. J'aime Mario Pelchat. C'est chien, ça, Mathieu, c'est chien. Ah, c'est bon. Oui, merci. Il est plutôt même bas. Non, j'aime Snoop Dogg. Seigneur. T'as pas vu-tu? Oui, oui. Ah, ben, oui, oui. Laisse les blagues plates à JP, c'est ouais, t'as pas besoin de demander son nom. T'as compris. Alors, revenons c'est ça, aux questions. Que pensez-vous faire pour intéresser les étudiants à l'AGE UQTR? Ben, je le voyais. Merci. Premièrement, Stéphanie, ce que je ferais, oui. c'est peut-être plus faire du public relations, peut-être juste serrer la main du monde, montrer que je suis là, montrer que l'AGE, c'est intéressant, puis que chaque étudiant peut faire sa différence dans ce sens-là. Est-ce que tu embrasserais des bébés aussi? Oui, ça va avec. Absolument. Je vais donner des macarons avec mon gros visage dessus aussi. Directement sur la peau. J'aime ça. Pourquoi est-ce que tu t'es présenté à un poste de l'AGE UQTR? Est-ce que c'est la première fois que tu te présentes aux élections? Oui, c'est la première fois que je me présente aux élections. Pourquoi je me présente? Ben, c'est parce que je suis déjà à un niveau d'implication qui est sur le seuil de rentabilité. Là. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est que là, je suis vice-président de mon association. Puis moi, on m'a délégué la job d'aller au conseil d'administration de l'AGE. Donc là, j'ai appris qu'il fallait que je me pogne un comité. Fait que là, je suis sur 6 comités présentement en tant qu'administrateur. Tant qu'à faire. Oui, hein, tant qu'à faire. Puis là, je me suis dit, hey, les élections, il y a pas mal de postes qui sont ouverts. Je pourrais m'essayer puis voir qu'est-ce que je peux donner de plus. Moi, j'ai tout le temps l'impression que je peux en donner plus. Donc, c'est pour ça que je me présente aux élections. Cool. Super. On est rendu à la dernière. Hein? Je pense que je me suis mêlé. Avant-dernière, Stéphanie. Non, je pense que tu avais posé la question 8, hein, c'est ça? Oui, tantôt. C'est ça, exactement. Tu as tout à fait raison. Donc, on vient avec la dernière, qui est la plus fun. Oui. Parce que, tu sais, ouais. Évidemment, moi, je suis un grand gars de marketing. T'sais. OK. Fait que, tu sais, moi, j'invente des slogans. T'sais. Fait qu'il faut que tu essaies de me battre. Marketing, slogan. Fait que, mettons. Je suis pas préparé. Mais vas-y. Un slogan pour ta campagne électorale pour le poste de VP aux Affaires Académiques de premier cycle. Donc, William Lamontagne, évidemment, on va dire quoi? On va dire atteigner le sommet avec William Lamontagne. Moi, c'est le mien. Ah, wow. C'est gentil. T'sais. Fait que, vas-y avec le tien. Moi, j'avais un meilleur slogan. C'est avec William, les affaires académiques, c'est des affaires importantes. C'est bon, mais pour la rime, on repassera. Il n'y a pas de gag. Je m'étais inspiré de Stéphanie, qui s'inspire de sûrement Jean-Philippe. Sûrement. Cette semaine particulièrement. Oui, donc, plus que jamais. William Lamontagne, candidat VP aux affaires académiques de premier cycle. Oui. Est-ce que... non, je crois que tu es seul dans ce poste-là, n'est-ce oui, pas? Oui, je suis seul. Ben, en fait, je compte la chaise. Oui. Juste pour expliquer le principe de la chaise, c'est comme une espèce de concept qui est vieux comme le monde. Si tu penses que la personne ne fait pas sa job ou de fera pas sa job adéquatement, ben tu peux toujours voter pour le siège vacant. Donc, c'est ma principale compétitrice. Là. Puis, il y en a qui m'ont avoué de part... qui sont dans mon association. Moi, je vote pour la chaise juste parce que je veux que tu restes. Bon, moi, c'est gentil quand même. Oui, comme vraiment, ça. Vraiment. Mais j'aimerais ça que tu votes pour moi, mais c'est correct. Ouais. je le respecte. On va leur dire de voter avec leur conscience, avec leur cœur, avec leur tête. Oui, c'était des amis. Et avec leurs fesses de fer. Oui. Avec leurs fesses. Votez avec vos fesses, c'est nouveau slogan. Donc, William Lamontagne, encore une fois, Affaires académiques de premier cycle, on le retrouve sur le portail étudiant. On vote jusqu'au 27 mars à 23h45. Ben, merci. J'ai pas le droit à une autre question. Oui, une question. Ça me rattraper, le chien-chat. Là. OK. Ma question typiquement féminine. Mon Dieu, j'ai de la difficulté. Disney ou Pixar. OK, oui. Ah oui, OK, bon, merci, c'est bon. Tu m'inspires. Quelle est ta princesse de Disney préférée? Ah, mon Dieu, ma princesse et pourquoi? Disney préférée, c'est... Attends, je lis là, la réponse. D'habitude, c'est supposé être Ariel. Je pense que ma princesse préférée, c'est... C'est pas une princesse, Ariel? Elle c'est Belle. Belle, et Belle. Pourquoi? Parce que c'est une brunette, puis je la trouve cute, puis elle chante bien. Oh, wow! Elle parle à des meubles, elle est cool. J'aimerais ça prendre une poignée de main, parce que moi, ce qui m'insulte le plus dans la poignée de main, c'est quand le garçon, il te prend de haut, puis il te fait juste comme une petite serrade molle. Non. Okay, attention. Une vraie poignée de main. Moi, je serre la main, puis en plus, je mets mon autre main par-dessus pour montrer, regarde, je te serre la main. Ah, c'est beau. Okay, alors, on y va officiellement. Okay, officiellement. Avec des applaudissements. C'est bon, parfait. Merci. Bravo. Alors, s'il vous plaît, c'est à noter pour tous les garçons, la petite main mollasse parce que tu sers la main d'une fille, c'est non. C'est d'accord. Non. Merci. Puis la petite tape sur la fesse après pour dire on est pleuré, c'est non aussi. Puis ramène-moi un sandwich. Avec une bière. Oui. Aïe, aïe. Ah, c'était pertinent à souhait, plus qu'hier, on dirait. Donc, merci, William Lamontagne. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On recevra Mathieu Roy éventuellement. C'est comme ça avec lui. Donc, nous, on va continuer notre programme parce qu'on a une chronique sur le campus à faire dans quelques instants. Avant ça, Two Vikings par Lederhosen, Lucille et Krista Muir. Ça, c'est fou, hein? C'est la prononciation. Ça. Oui, quand même, Mathieu. Merci. Franchement, Mathieu, t'es tout en train de te lancer des fleurs. Ah, ça me donne envie de courir dans un champ de pâquerettes. Un champ de grand-mère. Des pâquerettes. Pâquerettes. Est-ce que ça mérite vraiment une réponse? Oui. Coupe mon micro. Tout le monde tombe en amour avec cette pièce de Lederhosen, Lucille et Krista Muir. C'était Two Vikings à Assemblage requis. Dans un champ de pâquerettes. Dans un champ de pâquerettes. Expliquez-moi, c'est quoi une pâquerette, s'il vous plaît? C'est une fleur. C'est une fleur. Ok, je ne sais pas. Je pensais que c'était comme un Pepperman. Tu me parlais de grand-mère tantôt. Dans un champ de pâquerettes. Non, mais le nom, c'est pas un nom de grand-mère, ça, pâquerette. Pâquerette, même pâquerette. Ça se peut. Tu penses à pâquerette, je pense. Hein? Non. Non, pâquerette. Non. D'accord. Si je dis pâquerette, c'est pâquerette. Ok. Pâquerette, Hey, le garçon et la drag queen. Oui. Je dois malheureusement vous laisser. Oh. Mais ce fut un réel plaisir de rester plus longtemps avec vous. Hein. Je suis restée collée. Hein. Une bonne heure et vingt. On apprécie ta participation, mais comme toujours. Ça me fait plaisir. Et à dans deux semaines. À dans deux semaines, oui. Puis merci, Auditoire Trifluvien, d'être là hebdomadairement sur deux. Semi-hebdomadairement, voilà. Bye-bye. Bye. Bonne journée. Merci, Alexandrine. Allez la voir sur Facebook, puis allez la voir au théâtre, puis allez la voir partout où elle est. Je vous attends. Ouais. Sur C'est fou 89 ans. Toute la nuit. Toute la nuit. Pour vous. Donc, on est à Assemblage requis. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. C'est bien sûr le moment de parler du journal Zone Campus. Ah, je quitterai. Non, pas ça. Pourquoi j'ai parti ça? Ah, je sais pas. Parce que c'était les élections de la GE. D'après moi, ton subconscient. Ça doit être ça. Donc, c'est Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Est-ce que ça se dit en nom? Oui, oui. Quand tu tourneras les pages, tu me feras signe que tu tournes bien les pages. Que je tourne bien les pages pour te montrer que tu es en train de changer de page, c'est ça? D'accord. Ouais. Donc, Stéphanie Paradis, pourtant la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui a fait cette chronique-là depuis une bonne année. Plus que ça, oui. Un an et demi, je pense. Hein? Presque, oui. En octobre ou novembre 2012. Bref, le volume le plus récent, le numéro le plus récent, c'est volume 9, numéro 14. C'est dur à dire, ça. En kiosque du 25 mars au 7 avril 2014. En couverture, on parle du championnat provincial de volleyball, mais on y reviendra en sport. Alors qu'on commence, on va commencer en actualité avec le Rassemblement national académique 2014, qualité de l'enseignement et financement. Oui, puisque Mathieu, samedi dernier, donc le 15 mars, l'AGE-UQTR a accueilli la troisième édition du Rassemblement national académique à l'UQTR. Donc, cette rencontre a réuni les associations étudiantes de Sherbrooke, Outaouais, Rimouski, Saguenay, Québec et Montréal, et plusieurs professeurs et chargés de cours, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, de la Science, de la Technologie, Pierre Duchesne. Du bien grand monde. Oui, monsieur. Ensuite, évidemment, on a parlé tantôt avec un des candidats. Ben, c'est les élections de la GQTR en ce moment. On parle des candidats et d'un débat. Oui, donc il y avait un débat le 17 mars dernier. Donc, les candidats pour le conseil exécutif de l'AGE-UQTR, aussi connu sous le nom de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ceux dont l'intro a failli jouer tantôt. Oui, exactement. Donc, ils ont officiellement lancé la campagne électorale sur le campus de l'université. Donc, c'est le 24 mars, directeur général des élections, Jason Kemp. C'était le 24 mars, le débat, mais les élections ont commencé le 17. Là. Je pense qu'il y avait confusion de ma part. Donc, le 24 mars, le directeur général des élections, Jason Kemp, a animé le débat qui a permis à chacun d'entre eux de se présenter à la communauté universitaire. Super. Allez lire ça. Ben, évidemment. Ensuite, on passe au jeu de la traduction. Une équipe de l'UQTR, c'était moi qui virais la page. Une équipe de l'UQTR participe pour la troisième année consécutive à ces jeux de la traduction. Oui, pour sa 9e édition. Donc, ça se déroulait du 7 au 9 mars dernier à l'Université Laval. Donc, c'est 11 universités canadiennes qui participaient à l'activité, dont évidemment l'UQTR. Pour sa part, la cohorte de l'UQTR en était à sa troisième participation. La plupart des universités étaient représentées par des équipes d'au moins 7 personnes, soit 6 participants et un bénévole, qui est souvent un ancien participant, ainsi que d'un professeur accompagnateur et d'une mascotte. Oh, d'une mascotte. C'est cool. Oui. Ensuite, on s'en va à la chronique La Belle-Mère par Sébastien Guertin. C'est mode électoral, Tour d'Ivoire et Acrasie. Oui, donc dans le dernier numéro, donc le volume 13, dis-je bien, il était question du conflit opposant l'AGE-UQTR et l'AEMS, qui est l'Association des étudiants du Michel Sarrazin. Donc, celui-ci était à propos d'une redevance versée par le café du pavillon Michel Sarrazin à la Chasse-Galerie, que certains trouvaient abusive. Donc, allez lire les deux articles, c'est très intéressant. Très grosse histoire. Gling, gling. Un historien chez Ubisoft, conférence sur un parcours atypique, Steph. Oui, en effet. Donc, le 18 mars dernier, c'était Maxime Durand, un ancien étudiant du baccalauréat en histoire de l'Université de Montréal, qui a été invité à présenter une conférence aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières sur le parcours qui l'a amené à travailler chez Ubisoft comme consultant historique pour le jeu Assassin's Creed. Je crois que c'est JP qui joue des fois à Assassin's Creed. Est-ce que c'est le cas? Ça lui arrive parfois. Il a un ami qui travaille, qui me disait, là, on m'a raconté qu'il y a un ami qui travaille chez Ubisoft. Wow! Donc, des fois, c'est fun. Ils ont des jeux un peu moins chers. Bon, t'as monsieur directeur général de la station du journal. T'as l'autre qui travaille chez Ubisoft. Tout le temps rempli de big shot, hein, Steph? C'est incroyable. Ouais. Reprendre le chemin de l'école, le combat quotidien des mères monoparentales. Oui, donc, en réponse à la demande de l'organisme Maman va à l'école, le professeur Roland Delande. Bon, moi, il n'est pas dans le département des langues. C'est une fille, par exemple. Oui, elle est. Ben, c'est pas un gars qui joue une fille, en tout cas, bref. Ouais. Donc, comme je disais, la professeure Delande du département des sciences de l'éducation et la professeure Marie-Claude Rivard du département des sciences de l'activité physique ont collaboré étroitement pour éclairer les gens sur le combat quotidien des mères monoparentales de retour sur les bancs d'école. Donc, Maman va à l'école est un programme, un organisme à but non lucratif qui veut apporter de l'aide à ses mamans. C'est parfait, ça. On parle ensuite du programme de stage international pour les jeunes. C'est Emily Go qui a passé 6 mois au Japon. Au Gabon. Gabon. Oh, wow. J'étais sûr que je ferais l'erreur quand je l'ai vu en plus. Oui, mais c'est très drôle, Mathieu. Évident, ouais, meilleur moment. Merci, Steph. T'es bien fine de rire de moi, Steph. Oui, ben, je fais tout le temps. Donc, concordant avec sa volonté de s'ouvrir au monde, l'Université du Québec à Trois-Rivières, par le biais du Bureau des relations internationales, a participé pour la première fois au programme des stages internationaux pour les jeunes, aussi connu sous le nom de PSIJ. PSIJ. PSIJ. Oui, en 2013. Et ça a permis à 18 stagiaires canadiens sélectionnés de partir pour l'Afrique. Au Gabon et non au Japon. Non, effectivement. Le portrait reportage de Myriam Lortie est de retour encore dans chaque numéro. Cette fois-ci, nous parle de Paul Godet, oui. Chargé de cours à l'UQTR. Et c'est toujours aussi délicieux. Donc, il était... je vais le lire au complet. Donc, pour Paul Godet, chargé de cours à l'UQTR, il était inconcevable que la presque totalité des futurs enseignants qui auront certainement à interagir avec les élèves qui ont des besoins particuliers n'aient jamais été en contact avec des gens présentant une déficience intellectuelle. Je m'excuse. De son côté, Félix-Antoine, trisomique, 21 ans. Trisomique 21. Oui, c'est ça. J'ai inventé un mot. Félix-Antoine, son surnom, c'est trisomique. Oui, c'est ça. 21 ans. Non, trisomique 21. Donc, rêvait de suivre des cours à l'université. Il n'en fallait pas plus pour Paul Gaudet. Pour que Paul Gaudet force un peu le cosmos pour que les planètes s'alignent. Je suis vraiment désolé, Myriam. Non, c'est bien parfait, puis on encourage, c'est cool. Ensuite, on passe en société avec Kevin Gaudreau et sa chronique Entre les deux pôles. Oui, donc chronologiquement, les enfants retiennent en partie de leurs parents, hein, habitude, traits, hérédité, et non l'inverse. C'est pour cette raison qu'il pourrait être dans le sens... Ah, lui, je l'ai pas lu. je l'ai pas prélu, c'est le seul. C'est pour cette même raison qu'il pourrait être dans le sens de la nature qu'il appartienne aux parents de se comporter comme un parent et non comme un ami de ses enfants. En d'autres mots, les parents auraient, selon le stade de développement de l'enfant, un rôle d'encadrement, d'accompagnement et d'éducation. Et c'est à partir de ces fonctions qu'il pourrait permettre à un enfant de s'élever à un niveau permettant de se déployer. Ouais. Ensuite, on continue avec Tout est bizarre, la chronique de Nicolas Gauthier. Oui, vraiment chronique très intéressante puisqu'on s'en était jasé. Je vous conseille fortement de la lire. Celle de Nicolas Gauthier? Oui. Surtout, OK. Oui, mais en fait, particulièrement celle-là, mais elle m'a accroché, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça va comme suit. La guerre est aussi vieille que l'humanité. Il est communément admis que le plus vieux métier du monde soit la prostitution. Probablement. Mais un autre métier se perd aussi dans les origines de la civilisation humaine, le chasseur. À l'âge des cavernes, la guerre était omniprésente, non seulement contre nos semblables, mais aussi contre la nature. Il fallait chasser pour manger, il était nécessaire de se défendre de ses prédateurs. C'était bien avant le triomphe de l'humain sur la nature, bien avant l'oisivité et de la condition humaine, jadis ne se résumait qu'à la reproduction et l'acquisition de nourriture. La vie n'était que survie. Il est donc logique que le sexe et la violence soient les fondements de la condition humaine. Oh, c'est vrai que ça a l'air très bon. Évidemment, on continue toujours avec Lily Brunet-Saint-Pierre et l'aplomb dans la tête. Oui, est-ce que... je me souviens plus. Est-ce qu'elle les lit? Non, malheureusement, en ce moment, on n'est pas apte à l'accueillir. Aucun problème. Donc, j'ai un meilleur ami de sexe masculin. Même si je ne lui reconnais aucun attribut sexuel. Et c'est sans doute la seule personne qui me donne envie de croire en l'amitié gars-fille. Chez lui, c'est un peu ma deuxième maison. Je suis un fantôme semi-permanent dans son salon qui lui demande de partir du café à intervalles réguliers. Et avant ça, c'était à la maison de sa mère où je l'habinais à écouter le cinquième élément en buvant de la limonade. De la limonade, ça sonnerait comme... On continue évidemment avec Jean-François Veilleux et sa chronique le « Je me souviens » au pouvoir citoyen. Oui, donc on fait un regard sur les élections québécoises 2014. Donc Jean-François Veilleux nous dit « Au moment d'écrire cette chronique, nous sommes seulement au jour 10 de la campagne électorale. Je profite de l'occasion pour vous partager mes réflexions sur certains adversaires du développement du Québec. Mm-hmm. » Normand Leclerc nous signe la sixième chronique Changer la vie. C'est une série, donc on doit les lire dans l'ordre, et ça, c'est la sixième. Oui, donc c'est juste pour les produits Apple. Siri, lis-moi le début. Oui, lis-moi le début. Donc, j'ai l'impression que si j'effectuais un sondage parmi mes citoyens, la plupart affirmeraient croire, entre guillemets, à la démocratie. Où est le problème? C'est une croyance, Un philosophe, entre parenthèses, quelqu'un qui veut vivre selon la raison, a-t-il avantage à examiner cette croyance? Définitivement, dit-il. Mais commençons par une question d'ordre plus général. Vivons-nous en démocratie? Très bonne question. Alors, on va sauter pour l'instant l'opinion parce qu'elle est divisée entre la section jeux et loisirs. Donc, évidemment, en loisirs, on trouve le petit wiki illustré, oui, ainsi que les jeux. Les opinions sont en pages 10 et 12. Rapidement, on a trois textes. Un de Sodoké, Cossy, Fabrice. Un de Michael Mani, célèbre de l'émission à l'AGE. Et un autre texte d'un habitué du journal, Jean-Sébastien Berthelot, qui nous dit « Conseil d'administration, manque d'éthique et non-respect des politiques. » C'est la suite de ça. Donc, lisez les trois textes d'opinion en milieu de journal. On passe en arrêt spectacle pour commencer avec l'UQTR en spectacle, le talent des étudiants. Oui, donc jeudi le 13 mars dernier, avait lieu au cégep de Trois-Rivières la 10e finale locale du UQTR en spectacle. C'est le duo composé de Anthony Richard et de Kim Saint-Armand qui a remporté la première place. Ils représenteront l'université lors de la finale nationale de Université en spectacle. Ça a lieu le 29 mars prochain. De plus, ils auront la chance d'offrir une performance lors du Festivois cet été. Et les trois gagnants sélectionnés par le jury se sont vus remettre des bourses totalisant 1 000 $. Félicitations à eux. C'est malheureusement pas eux qu'on avait reçus à l'émission. Ça avait été par tirage au sort, les candidats du QTR en spectacle. Voilà. On aura peut-être l'occasion de les recevoir un jour. Peut-être bien. Oui, oui. Alexandra nous en a déjà parlé récemment, donc on ne reviendra pas trop là-dessus, mais il y a un article sur la sortie de l'album de Francis d'octobre. Ouais. On parle ensuite du spectacle de Tous Azimuts, de la littérature à la musique. C'était au Café Bar Zénob. Oui, donc la bande de Québec, Tous Azimuts, s'est présentée le vendredi 14 mars dernier au Café Bar Le Zénob. C'était au centre-ville de Trois-Rivières, évidemment, pour présenter la version rock de son spectacle. La version rock. Là, oui. Aussi, un autre spectacle, celui d'Amélie Gagnon, une ancienne gagnante du QTR en spectacle. Oui, et ça avait lieu le 22 mars dernier, toujours au Café Bar Le Zénob. Donc, Amélie Gagnon était de retour sur scène après un an d'absence. Elle a offert un spectacle intimiste au Café Bar Le Zénob où elle a montré que la simplicité est parfois la meilleure qualité à posséder. Génial. En danse contemporaine maintenant, Myriam Lortie, qui est la nouvelle chroniqueuse, en fait, nouvelle journaliste d'art et spectacle. Oui. Donc, c'est danse contemporaine, les mêmes yeux que toi. Oui, donc, inspirée de la schizophrénie de son père, Anne Plamondon présentait le jeudi 20 mars dernier à la salle Anaïs Salard-Rousseau son premier spectacle solo de danse contemporaine, Les mêmes yeux que toi. Ensuite, on parle d'une exposition à la galerie R3. Ça s'appelle Figures de temps croisés. Oui, donc le jeudi, ça c'était le 13 mars dernier, et avait lieu le vernissage de l'exposition Figures de temps croisés à la galerie 3R, comme tu l'as mentionné. C'est l'exploration de la thématique de la temporalité qui a guidé les artistes Banca Québecqui et Diane Letourneau dans la création de leur œuvre. C'est joli. C'est très beau. Une autre exposition, c'est L'espace et l'apocalypse, donc un texte d'Alexandra Carignan. Oui, donc jusqu'au 19 avril prochain, c'est au centre d'exposition Raymond Lanier. Il présente deux expositions, soit Compléter le silence de Valérie Morissette et Révélation anticipée de Janie Julien Fort. Et on passe en sport pour terminer. Donc, il se passe plus grand-chose. Les saisons se terminent au fur et à mesure. Mais, tiens, justement, au championnat provincial de volleyball, deuxième titre consécutif pour les Patriotes volleyball féminin. Oui, monsieur. Donc, l'Université du Québec à Montréal accueillait le championnat provincial de volleyball féminin universitaire, division 2, les 14 et 15 mars derniers. C'est sans grande surprise que les Patriotes sont parvenus à mettre la main sur la deuxième bannière consécutive et une troisième en 4 ans. Donc, les joueuses de l'UQTR ont d'abord vaincu l'Inuk de l'UQAC et en demi-finale pour ensuite remporter contre l'équipe hôtesse, les Citadins, en finale. Génial, félicitations aux filles de volleyball. Yes. On a parlé avec Cindy Gilbert d'entraînement météo-réalité tantôt, donc on saute par-dessus, mais c'est à lire dans le journal, il y a des détails additionnels. On passe en badminton, une joueuse des Patriotes au championnat canadien universitaire. Oui, donc malgré une saison affligée par les blessures l'an dernier, c'est Sabrina Lévesque-Bouchard qui s'est démarquée en 2013. En fait, elle s'est démarquée en 2013-2014. Elle a d'ailleurs été invitée à participer au championnat canadien universitaire de badminton en compagnie de Maxime Rome, un membre de l'équipe du Vert et Or de l'Université Sherbrooke. Félicitations. En soccer féminin, ensuite, les Pats s'inclinent en demi-finale. Et oui, donc l'équipe féminine de soccer des Patriotes a vaincu Concordia en quart de finale du championnat provincial du réseau des sports du Québec, la RSEQ. Elle s'est cependant inclinée face aux Carabins de l'Université de Montréal lors de la demi-finale. Malheureusement. Et on termine en hockey avec un nouveau gardien pour les Patriotes. Oui, Mathieu. Donc, l'entraîneur de l'équipe de hockey des Patriotes a signé avec un nouveau gardien pour la saison prochaine suite au départ de Marc-Antoine Gélina. C'est le joueur Francis Desrosiers qui comblera son départ au sein de l'équipe universitaire. Génial. Voilà pour les sports, voilà pour le journal Zone Campus. C'est le volume 9, numéro 14, en kiosque du 25 mars au 7 avril 2014. Sur le campus du QTR, un petit peu partout, à Trois-Rivières, dans différents commerces. Évidemment, sur zonecampus.ca et facebook.com/zonecampus. Oui, Mathieu. Tout est là. Merci, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Rédactrice en chef du journal Zone Campus. Très beau travail. Il reste seulement deux numéros. Hein. Ouais, ça passe à une vitesse folle. Une vitesse inimaginable, Steph. Et c'est le fun de travailler ensemble. Ah, oui. C'est un plaisir de partager. Ah, merci beaucoup. Donc, voilà pour Zone Campus. On prend une petite pause au retour. Ce sera la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On va s'acheter des choses. Oui, plein, plein de choses. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. Et elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Merci beaucoup. Donc, l'émission qui continue, nous reste seulement une vingtaine de minutes. Mais cette vingtaine de minutes-là va être particulièrement bien chargée parce que c'est notre chronique fétiche du mercredi. Qu'il reste à faire full load. Full load. Vide tes poches, Steph. Oui. Vide ta sacoche profonde. Parce que voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ready? Ready? Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique où on achète des choses sur Internet. Et évidemment, Steph, à chaque fois, tu as tout le temps quelque chose à dire, un petit commentaire à chaque affaire. Donc, je te fais confiance pour me dire ce que tu penses. Ça devrait bien aller. OK. Commençons avec une montre. Évidemment, il y a tout le temps une montre quelque part là-dedans. Tu sais, parce que tu es tout le temps là les mercredis pour faire cette chronique-là. Ouais. Cette fois-ci, c'est une montre qui ressemble, ben pas ressemble physiquement, mais fonctionne un peu comme une Magic 8 Ball. Tu sais, les petites boules en 8 magiques qui donnent une réponse à tes questions. Donc, faites répondre la Jiglet. C'est comme une montre numérique qui est aussi une Magic 8 Ball. Tu lui poses une question, tu brasses ton poignet pour entendre une de 23 réponses différentes. C'est inventé par Cole Schneider quand il avait 16 ans. Et les réponses qui sont au hasard, évidemment, complètement aléatoires, apparaissent à l'écran. Il y a aussi plusieurs bracelets de différentes couleurs. Et la Jiglet non seulement ressemble à une montre, mais est aussi une montre en tant que telle. Et elle se recharge par USB. Ah oui. Non, ouais. Ah, ouais. Eh boy, hein? Ben, tu sais, premièrement, qui met une montre maintenant? T'sais, en 2014, là. Ben, hein? Tout le monde met ça sur son cellulaire, puis c'est sûr qu'il y a une application pour ça. C'est ça. Magic 8 Application. Ben oui, c'est Magic sûr que 8 oui. App. Ben, t'as bien raison, t'as bien raison. Toi, ouais. Ton iPod Touch tout le temps avec tes applications. Ouais. Parce que. Ensuite, alors ça c'est cool, c'est pour c'est une planche avec des trous et tu peux mettre des petits bouts de plastique dedans, un peu comme un pegboard. Donc pegboard, c'est les petits trous avec des genres de punaises de bois, si on oui. veut, sur lesquels tu peux accrocher des affaires. Donc pegboard, c'est la même chose, c'est un stand, donc un genre de petit rack, presque. Un mot en anglais remplacé par un autre mot en anglais dans ce cas-ci. Un support. Un super de Federal Warehouse. Donc, c'est un dock à téléphone, donc un socle qui peut aussi permettre d'afficher peut-être vos bijoux, vos accessoires. C'est vraiment donc une planche de plastique et tu mets les petits points aux endroits que tu veux en caoutchouc. Et puis là, tu peux accrocher tes affaires après. Le corps est fait lui-même, la planche est en aluminium. C'est 8 pegs, donc les petits bouts de bois, ben style de bois comme dans le temps, là, mais ça s'appelle du thermoplastic elastomer. Donc, c'est une sorte de plastique. Et puis, il y a une ouverture en bas de la plaquette d'aluminium pour passer tes fils. Par exemple, si tu veux t'en servir comme dock pour ton iPad, donc tu passes ton fil dedans, ni vu ni connu. C'est disponible en noir et en blanc, 24$ chacun. C'est bien. Comment t'as dit que ça s'appelait, les petites pins? Les pegs. Tes pegs. Fait que ça, c'est la plaquette à 8 pegs pour mettre ton iPod qui a 8 megs. Non! Wow! 8 pegs, 8 megs, 8 c'est parfait. Oui, c'est parfait. Mais ouais, je trouverais non. Je sais pas, je suis pas convaincu. J'achèterai pas ça. Mais 5$ pour un emballage de 10 pegs additionnels. Donc, si tu veux racheter de la mémoire à ton iPod, c'est 5$ pour 10 pegs. Wow. Puis, évidemment, tu vas dépasser ton chèque de peg là-dessus. Chèque de peg. Wow. Ouais, chèque de peg. Une n'attend pas l'autre. 9h15, oui. Ouais. Donc, on passe ensuite à des bouteilles d'eau. Évidemment, tout le monde gaspille ses bouteilles d'eau tout le temps. T'aimerais pouvoir les réutiliser pour arroser tes plantes, Steph. T'as des plantes chez vous, t'es une fille de nature. Oui. Tout le temps au naturel, tout le temps venu. Donc, tes plantes à la maison ont besoin d'être arrosées. C'est toujours mieux de mettre de l'eau de façon égale. Donc, équilibrer l'eau, pas tout au même endroit. Quand t'as pas de... Comment t'appelles ça, de trucs pour arroser? Un arrosoir. Un arrose. Je cherche pas plus loin que ça. Donc, évidemment, tu peux me traiter d'épaisse si tu veux. Oui. Donc, c'est un attachement pour votre bouteille de plastique qui transforme votre bouteille en arrosoir, si on veut, pour pouvoir pleuvoir sur vos plantes en squeezant la bouteille. Rainmaker, qui est compatible avec la plupart des bouteilles d'eau et des bouteilles de liqueur aussi, ça fonctionne mieux avec une bouteille de 1 ou 2 litres et c'est disponible pour 12$. 12$? Juste pour l'embout, là? Oui. Même pas de bouteille. Mais ça, Mathieu, moi, ce que je te dirais de faire... Ça serait d'acheter une bouteille d'eau réutilisable. Oui. Mais plutôt qu'une bouteille d'eau que tu embouteillée, tu sais, en voilà. Plastique. Et puis de t'acheter un arrosoir. Oui. Et puis là, la terre va être heureuse. Voilà. Il n'y a aucune raison d'acheter ce gadget-là. Non. Tu pourrais aussi acheter juste une bouteille de spray chez Dollarama à genre 1$. Ben oui. Push sur tes plans. Genre. Sauf que c'est long. Ça peut être long un peu. Ouais, c'est ça quand même. Faut simplifier la vie un petit peu. Ensuite, si seulement j'avais JP en studio, c'est JP qui aimerait ces affaires-là. Mm-hmm. C'est un popsicle à saveur de spaghetti. Mon Dieu. Mon Dieu. Les gens partout dans le monde mangent des choses bizarres. Évidemment, bizarres par rapport à nous dans l'Ouest, en Occident. Donc, Gary Coon, C'est un popsicle, donc, qui goûte, c'est à saveur de spaghetti, littéralement. On ne sait pas si ça goûte les tomates et les pâtes ou si spaghetti est un euphémisme pour un genre de mélange avec des crottes rouges dedans. La compagnie fait aussi d'autres saveurs bizarres. Corn pottage, donc un potage de maïs, et rice cakes with bean paste, donc des gâteaux de riz, des petites galettes de riz avec de la pâte de fèves. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, attends, je sais pas trop comment te faire ça, mais je pense que j'entends le téléphone sonner. OK, attends un peu. Veux-tu prendre le micro magique? Stéphanie aime beaucoup le micro magique. C'est le micro juste là. C'est là, celui-là. Attends un peu. Attends, éloigne-toi et approche-le. OK, attends. Oui? Hein? Ah, attends un peu. Ah! Oui, OK. Oui, attends un peu. Oui, allô? Allô, Mathieu? On a un appel en ondes. Oui, bonjour. Oui, c'est Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe Charbonneau! Jean-Philippe Charbonneau, quel nouveau cet honneur? T'es couché chez vous? Tu nous écoutes? Ben oui, je t'écoute, toi puis Stéphanie. Ah, waouh, c'est le fun. En plus, il y a comme un délai parce que vraiment, t'es dans ton lit chez vous, fait que le téléphone a de la misère à se rendre jusqu'au studio. Mais qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses En fait, c'est ça, je t'entends parler du popsicle. Ouais. Puis je me demandais s'il en faisait aux ailes de poulet. Aux ailes de poulet? J'en fais des ailes de poulet. Je trouvais l'idée cool du popsicle spaghetti, mais j'aimerais ça manger mon popsicle, puis au lieu d'un bâton, ça soit un an. OK, un pilon de poulet. Trop bon. Lundi et mardi, quand tu as co-animé avec moi, tu te rappelles l'émission, tu as co-animé ça. Tu as mentionné les ailes de poulet, je pense, une fois par 30 secondes. Donc c'est sûr. Puis, écoute, c'était pas fait encore depuis le début de la semaine, donc c'est pour ça que je te lâche un petit coup de fil ce matin. Voilà, mais merci. Je vais pas vous déranger trop longtemps dans ta chronique. T'es bien fin, Jean-Philippe, de nous appeler, de nous permettre un interurbain à la station comme ça. Toi, t'es en voyage, évidemment, en France, hein, voir ta mère. Oui, oui, à Paris. Je voulais voir ma mère. danser avec... Donc, merci, Jean-Philippe. Oui, donc je vous laisse. Salut, bonne émission. Salut. Merci. Bye. T'es trop fin. C'était Jean-Philippe Charbonneau en direct de son lit en France. Stéphanie, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, c'est le fun qu'il ait appelé pour nous faire ça. C'était beau moment. Waouh, j'aurais jamais pensé vivre ça. Mais donc, on va lui envoyer, évidemment, pour ses vacances, des popsicles aux spaghettis. Oui. Il le mérite. Malheureusement, il n'y en a pas aux ailes de poulet. Je viens de regarder là, pendant que... T'as regardé. C'est bon. Ouais. On est vraiment là pour notre public et pour nos co-animateurs préférés. Oui. Donc, voilà. maintenant, tiens, Stéphanie, là, ça va être plus pour toi. Tu vois, c'est le ballon, l'équilibrium. Oui. On a parlé de poulet et là, on parle de banane. C'est ton fruit fétiche, Steph? Oui. Ben oui. D'ailleurs, j'avais oublié mon case à banane dans l'auto à JP. Ton banane à case, hein? Oui, heureusement, il me l'a ramené. Une chance. Ben, il est de même, Jean-Philippe, il est fin, ça. Il pourrait nous rappeler pour nous féliciter d'avoir dit encore son nom, mais non. Donc, une banane, une source naturelle d'énergie, parfaite pour les sports extérieurs, comme la conduite d'un vélo. Hein. Mais tu as besoin de transporter ta banane et quand tu t'amènes entre les jambes, Ça peut porter à confusion. Est-ce que tu as une banane dans la poche ou est-ce que tu es juste content de me voir, comme oui, on dit? Oui, c'est ça. Donc, il te faut ce leather holster, presque. C'est presque comme un truc pour les fusils, mais pour tenir ta banane autour de ta ceinture. Donc, quand c'est fait pour le vélo, nous dit-on, là. Mais tu attaches ça autour de ta ceinture. C'est un truc de cuir avec des snaps dessus. Et tu insères ta banane dedans et tu t'en vas où tu as à t'en aller. Ouais. C'est le fun, hein? Je suis pas d'accord. Tu pourrais mettre n'importe quel autre fruit ou légumes, peut-être un cocombe, un cornichon. Mais premièrement, t'as l'air fou. Tu trouves? Oui, t'as vraiment l'air fou. Mais c'est du cuir, c'est viril du cuir. Oui, mais c'est la banane qu'il y a dedans qui, on dirait... Un peu phallique, hein? Oui, on dirait que c'était fait pour soutenir d'autres choses à la base. Ah! Puis ils se sont dit, on va juste mettre une banane dedans, finalement. C'est un case, ouais, OK, parfait. Oui, entre gens, oui. Entre gens féminins. Ou masculins, peu importe, on vous juge pas. Stéphanie, évidemment, t'aimes les toasts. Qui n'aime pas les toasts? Les rôtis? Oui. Les rôtis de porc, mon Dieu. Donc, pour faire des rôtis, tu veux les voir quand tu les fabriques, hein? Oui, parce que comme ça, t'es sûr qu'ils brûleront pas. C'est ça, sinon, sont tout le temps soit pas assez ou trop. Oui. Tu sais, c'est comme une banane. Ou un... Ben, pénis, c'est ça. Donc, il l'a dit. J'ai pas d'autre mot. Il faut le Calorie Glass Toaster. On peut voir donc à quel niveau sa rôtie est rendue. Donc, la tranche de pain est vue à travers une... en fait, il y a des slots super extra larges, des fentes extra larges. On insère son pain là-dedans et on va pouvoir savoir jusqu'à quel niveau ça va être rendu. Il y a une fonction défrost, donc décongélation, réchaud, annulé. Toutes les options qu'on a dans les grille-pains normaux. Et c'est que l'air les est trop... Les options, Mathieu. Les options. Ça vient pas de base, tout ça. Siège chauffant oui, et tout. Tout ouvrant. Mais c'est pas un faux. Ça a l'apparence à l'avant d'un faux grille-pain. Oui, exactement. Oui. Mais non, il y a vraiment des fentes et on peut vraiment insérer. C'est vraiment une seule longue fente. Donc, tu peux mettre deux tranches de pain ou plusieurs tranches de quatre pains, mettons. Je sais pas. Bref, c'est super beau, mais très, très rétro. J'aime ça. Oui, c'est bien. Ensuite, on a parlé de vélo il y a quelques secondes. Quand on est en appartement, on a de la difficulté à ranger son vélo. Oui. Des fois, on le rentre. Tu veux pas le laisser sur le balcon pour pas te le faire voler. Les petites chaînes, c'est tellement facile à briser. Donc, il vous faut le Shelfie Bike Mount qui va pouvoir vous aider. Donc, chaque Shelfie qui est moulé par injection vient avec deux protecteurs de vinyle. Donc, c'est vraiment un truc genre qui ressemble à de l'aluminium brossé, presque comme un Mac, on dirait. Et donc, ça, c'est inséré, c'est vissé après le mur. Et dessus, il y a du petit vinyle où on peut insérer son vélo. C'est vraiment comme un genre de cube. Oui. Et tu l'insères par le siège. Oui. Et donc, le siège vient toucher à l'aluminium et le vélo... Ça tient en équilibre. C'est comme une décoration de mur. Oui. Puis là, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que tu es à Montréal puis que tu enlèves ton banc pour pas te le faire voler. Sinon, ça tient plus. Ça ne tient plus. Ça prend le banc pour tenir. Étant donné que c'est un cube, on peut ajouter en plus son casque dans la petite, le petit compartiment. C'est un vide-poche. C'est quoi ça? C'est un vide-poche. Ben oui, tu arrives à la maison, tu te vides la poche directement sur ton Shelfie. et puis après ça, tu prends un selfie de ton Shelfie. Oui. Ça coûte 125$, c'est chez Kickstarter en ce moment. Ouais, ben l'idée est pas mauvaise. Enfin, en même temps, j'aurais peur d'abîmer mon mur qui est en arrière, Mathieu. C'est vrai ça. Parce que tu vois, le guidon, là, il est pas mal. C'est pas mal tout en équilibre, ça, là. Il y a puis, quelque chose là-dedans. De... Dans l'image qu'il nous propose, l'interrupteur de la lumière de la pièce est à côté. Donc, tu vas t'enfarger dans la roue. Et non dans le roue. Tu vas t'enfarger dans la roue arrière de ton vélo. Ils ont pas mis ça à la bonne place, pantoute. Ils voulaient mettre ça là juste pour que la photo dans l'angle, on voit qu'il y a un réfrigérateur de stainless et qui était à la mode parce que tout son décor est stainless et gris. T'sais. Sauf que non, je trouve que l'emplacement est très mal choisi. C'est raté. Qui met ses cadres aussi haut sur le mur aussi? Le truc de bouillon. En tout cas, bref, allez voir la photo sur assemblage.com et commentez la photo vous-même. Alors ça, c'est vraiment une idée de génie. J'allais dire ingénieux, j'étais pas sûr que ça se disait, mais il me semble que oui. Donc, une chose très pratique, quand vous manquez de place à la maison, vos escaliers prennent beaucoup trop de place et vous n'avez pas d'endroit pour mettre votre bureau. Mettons, vous êtes au sous-sol, votre bureau, puis les escaliers, c'est confusion, il y a trop d'affaires. Ouais. Donc, le designer Just Asnout a demandé à un studio de design allemand mené par Mickey Mejia de créer un escalier qui combine la fonctionnalité, donc les fonctions des escaliers, les tablettes et le bureau, ainsi qu'une petite penderie, tout ça dans une seule unité. Donc vraiment, le bureau, en tant que tel, sert de fin d'escalier. Ouais. Et le reste des escaliers est du même bois et du même matériau que le bureau. Donc vraiment, tu descends en bas sur les escaliers qui ont l'air d'être pendus dans les airs, et tu descends physiquement sur la tablette du haut du bureau, sur la tablette du milieu, sur la tablette du bas. Évidemment, on peut pas mettre de choses là, ça, c'est vraiment un escalier. Ouais. Mais le reste du bureau... Les marches sont les marches, mais le reste... Plus. Le reste... Ouais. Et là, en plus, c'est que la marge de l'escalier sur laquelle, dans le fond, qui est ton bureau, c'est aussi une armoire. Oh. Donc, tu peux ranger des trucs comme la balayeuse, mettons, c'est vraiment beau. Hein. Mais ça, je trouve ça très bien. Esthétiquement, c'est très beau. Mais mettons, il faudrait pas que tu aies le goût de travailler à ton bureau un peu pacté. Non, c'est ça. Ouais. Exact. Ils ont l'air très dangereuses, leur marche. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si. Premièrement, ben, ils sont tous à la même hauteur, mais on dirait qu'elles le sont pas toutes. C'est vrai. C'est des grands pas, mettons, d'escalier. Ouais, mettons. Ouais. Faut que tu fasses un gros mouvement de jambes. Mais c'est très beau. C'est très joli. J'adore le concept. Et en plus, en tout cas, je sais pas si t'as vu, t'as comme deux t'as la gauche et la droite, tu peux monter de façon différente. Donc je pense que comme, je sais pas pourquoi il y a des marches à gauche et des marches à droite, mais en tout cas, c'est drôlement fait. Je sais c'est quoi. C'est que c'est un petit peu visuel, puis je pense qu'on s'embarque dans quelque chose qui devrait pas être expliqué nécessairement. Mais t'as deux rangées et tu fais droite-gauche, pied-gauche, pied-droite, pied-gauche, pied-droite, t'as-tu vu? Ah, c'est ça, c'est Mathieu! C'est des demi-marches chaque côté. C'est pour ça qu'ils sont hautes de même. C'est pour ça, mais bon, faut voir l'image pour comprendre. Allez voir sur assemblagerequis.com. OK, oui, c'est exactement ça. Ouais. Ensuite, est-ce que tu as des migraines, Steph? J'entends dire que oui, et j'entends parler fréquemment de tes migraines. Oui, ça m'arrive. Donc, est-ce que tu veux une façon de régler ce problème-là? Oui, un diadème. Un diadème de princesse. En plus, tu vas te sentir comme une princesse de Disney. Oui. Donc, les maux de tête, c'est pas le fun. Mais à la place, on pourrait avoir une cure instantanée sans prendre de pilule avec ce petit diadème. Tu l'as dit, c'est le Céphalie. Ça a été approuvé par le FDA, la Food and Drugs Administration. C'est un bandeau de plastique qui fonctionne à batterie, à pile, qui envoie des pulsations électriques à un de tes nerfs du cerveau, qui est le trigeminal nerve. Donc, une étude qui a été faite au hasard chez des participants. 71% moins de maux de tête avec ce casque-là quand tu as des migraines. OK. Selon cette étude-là. Ouais. Ce qui a l'air assez quand même fiable. Donc, Céphalie, vous pouvez en savoir plus sur Céphalie, Céphalie.us. Ah ben. Si ça vous intéresse. À essayer. À essayer, en effet. Pourquoi pas, je veux dire. Pourquoi pas. Ensuite, on a des chaudrons dans la petite armoire en dessous du poêle ou à côté du poêle, peut-être pas en dessous du poêle, ça accable. Mais bref, des fois, pour trouver le couvercle avec le chaudron ou le chaudron qui est plus gros, il est en dessous de la pile, il faut tout le temps que tu fasses comme des poupées russes, enlever chacun des chaudrons. Bon, c'est pas le fun, c'est tout le temps difficile. Il vous faut ces Glideware Racks. Donc, c'est pour protéger vos chaudrons. C'est super facile de se rendre à ça parce que ça fait, c'est comme un petit tiroir que tu accroches en haut de ton armoire. Oui. Sur le plafond de ton armoire. Tu tires là-dessus et il y a des crochets sur un rack, vraiment, d'aluminium. Et tu peux sortir tes chaudrons qui sont tous accrochés dans l'ordre avec leur couvercle parce que chaque crochet a un crochet pour le chaudron et un crochet pour le couvercle. Pour le couvercle. Donc, un seul rack Glideware est disponible pour 200$, une paire pour 380$. On peut racheter des crochets de plus pour 10$ chaque. Il y a aussi une version pour la penderie où on pourrait accrocher sa mop, ses balais pour 190$. Ou l'utiliser dans un garde-robe, quelque chose comme ça. Donc, Glideware qui offre le shipping gratuit en ce moment. Donc, glideware.com. Moi, j'aime bien ça. Cher. C'est très cher. Le concept est bien, mais je trouve que t'as quand même beaucoup d'espace de perdu, on dirait. Tu sais, quand t'es en boîte d'un dans l'autre, là, ouais. Ben, c'est ça prend moins d'espace qu'en ce moment. Et tu vois que dans leur armoire, eux, ils ont choisi d'acheter deux racks, évidemment. Oui. De montrer deux racks parce qu'ils ont pas eu à les payer. Et là, ça prend vraiment littéralement toute l'armoire. T'as plus de place en bas non, pour mettre ça, des poils ou rien. Ouais, c'est malheureux, mais bon, quand même, l'idée est pas si pire. Ensuite, le plus gros case pour iPhone, le plus gros étui pour iPhone au monde pour se faire du muscle, Steph, toi qui es tellement entraînement tout le temps. Ben oui, j'ai hâte d'y aller tantôt d'ailleurs. Ouais, fesse de fer à 10h. Donc imagine si tu pouvais utiliser ton téléphone de la même façon qu'à l'habitude, mais brûler des calories. Hein? Oh. C'est bon, ça, c'est le Tone Phone, c'est fait d'acier britannique à 100%. British Steel, je sais pas pourquoi, c'est du... Alors, en tout cas, couverte de caoutchouc, donc facile à gripper. Donc c'est un étui pour l'iPhone 5 et 5S, ça devient un dumbbell de 2,20 ou 3,30 livres, donc 1 à 1,5 kg. Ça part d'être grand chose, mais quand t'es tout en train de regarder tes messages textes, Facebook, etc., c'est sûr que tu vas brûler quelques calories d'ici la fin de la journée. C'est disponible en blanc doré, donc pour l'iPhone 5S doré, et en space gray. C'est dû pour être envoyé en juin 2014. Les prix sont de 38 à 42$ pour les différents poids. Ouais. Ouais. Mais. Et tu sais, là, après ça, tu fais quoi? Tu le mets dans ta poche, puis t'as des pantalons qui baissent. Tu sais, hein? Yo. Hein? Tu sais, mais peut-être que tu veux avoir les pantalons qui baissent parce que c'est ben yo. Ça se peut. Un nouveau produit sur Kickstarter maintenant pour ceux qui perdent souvent leurs choses et qui sont trop paresseux pour barrer leur ordinateur à chaque fois qu'ils quittent la pièce, c'est Gatekeeper. Une combinaison d'un appareil de localisation Bluetooth et d'une serrure activée par la proximité ou l'improximité, le contraire de la proximité. Donc, évidemment, le proximity feature, ça vous permet de barrer et débarrer votre PC ou Mac quand vous vous éloignez d'une certaine distance. Et le localisateur Bluetooth est exactement ce qu'on pense. Donc, ça va faire partir une alarme sur votre téléphone intelligent si vous laissez quelque chose que vous avez tagué derrière vous. Donc, $35 américains pour votre propre Gatekeeper au mois de juillet. Ben, crime, j'aime ça. Moi aussi, puis c'est beau en plus, c'est fluorescent. Ouais. C'est joli. Ensuite, alors ça, c'est cool, c'est Imogen Heap, une chanteuse quand même assez connue, et ses collègues chez Mimu, qui travaillent sur un gant qui va vous permettre de faire de la musique en bougeant vos doigts et vos mains. Vos doigts et vos mains, oui, c'est ça. Donc, un peu comme dans Rapport Minoritaire, sauf qu'à la place de changer d'écran, vos mouvements vont créer du son. Donc, Mimu a un input et une output, une entrée et une sortie. Ça s'appelle XOSC. Ça connecte le gant à un ordinateur ou à plusieurs ordinateurs via Wi-Fi. Il y a un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre avec des sensors, bref, sur le gant lui-même. Et le système va pouvoir détecter l'orientation de ta main quand tu vas bouger tes doigts et la position de ta main, par exemple, en point, main ouverte, tu pointes avec un doigt, la direction, donc en haut, en bas, gauche, droite, en avant, en arrière. Et bref, tous ces mouvements-là, comme par exemple pour jouer de la batterie. Donc, tu vas pouvoir faire vraiment du air guitar et du air battery, mais avec ton gant. Ah. On peut mapper ça à du MIDI. Donc, ça va convertir vos mouvements soit en OSC ou en MIDI. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre gant avec n'importe quel logiciel qui supporte les MIDI. Donc, vous pourriez vraiment faire des instruments. Ça pourrait être des explosions à chaque fois. Ça pourrait être science-fiction. Ça pourrait être des coups de fusil, n'importe quoi. Incroyable! C'est vraiment fantastique. Donc, j'aimerais ça l'essayer. Oui, et tu peux aller voir la petite vidéo de Imogen Heap en train de performer une chanson avec son Mimu, ses gants Mimu, sur assemblagerequis.com. Un jour, tu vas peut-être pouvoir l'essayer. Peut-être. En studio. Peut-être que JP va pouvoir recommencer à faire des bruits de criquet. Là. Oui. Mais juste avec son gant. Ah! Criquet par là, ça c'est une moufette par là, ouais. Ça c'est un chat. on va terminer avec quelques affaires d'alcoolique. Et en fait, je vais faire tout ce qui est alcoolique pour terminer cette chronique-là parce qu'on doit terminer un jour. Stéphanie, qui est toujours l'alcoolique en chef ici, la grande buveuse. Donc, quand tu bois du vin, il faut que tu puisses sentir le vin aussi. Ça fait partie de l'expérience. Hein? Oui. Donc, notre odorat qui définit aussi le goût, qui aide à comprendre le goût dans la bouche. C'est pour ça qu'on fait tourner, virevolter son vin pour en sortir les arômes, etc., etc., etc. Donc, les nouveaux Silhouette Sense Enhancing Wine Glass ont une fente courbée à l'intérieur de sa coupe, de cette coupe de vin-là, pour pouvoir passer votre nez, pour pouvoir aller sentir à l'intérieur de votre coupe de vin. sais. Moi, donc, oui. Donc, ton nez va seulement être accroché par le bout de vitre un petit peu, mais en tant que tel, la fente est tellement grosse que sûrement votre nez ne touchera pas du tout à votre verre et vous allez pouvoir aller sentir le liquide presque en pleine face. C'est fait de lead crystal à 24% avec un, c'est ça, le bol en tant que tel de la coupe est fait parfaitement pour aérer votre vin de la meilleure façon possible. Donc, c'est parfait pour les vins rouges et les vins blancs. Ah ben, fantastique. Je sais pas quoi penser. Moi, je pense que t'aimerais ça. Tu penses? Sentir ton vin. Ça sent bon du vin. Ouais, mais tu sais, tu peux juste le sentir aussi en tenant ton verre correctement. Ouais, ben, faudrait que tu remplisses ta coupe au complet pour pouvoir le sentir. Parce que si tu remplis juste le fond, ton. Ben, c'est que théoriquement, là, la fille est en train de boire. Elle respire pas nécessairement en même temps. Non, c'est sûr, mais juste avant de boire, une petite sniff, là. C'est sniff avant de boire. Sniff glue, ouais, c'est ça. Mathieu, sniff avant de boire. Dis, là? Une petite sniff avant de boire. Merci. Oui. Ensuite, toujours dans le domaine du vin, tiens, c'est une gigantesque coupe à vin. Buvez comme un roi ou une reine, hein, en buvant votre vin dans ce Royal Crested Gigantic Wine Glass. Donc, c'est un verre à vin, une coupe à vin, qui peut contenir une bouteille de vin au complet. Juste un petit verre, Mathieu. Je vais prendre juste un petit verre. Juste une coupe. Ah ouais, c'est ça. Je peux j'arrête pas dire de boire après une coupe. Ben, c'est pas un petit verre, ouais, c'est ça. Je vais prendre juste un verre. Donc, c'est fait de vitre, donc soufflé à la main, avec vos propres initiales sur le côté, si vous le demandez. 750 ml de contenu, donc vraiment pour la bouteille de vin au grand complet. Ah. Je pense que c'est tout pour le vin, il me semble. Il y en a un dernier de nourriture. Je pourrais terminer avec ça. Va falloir, ça va être le dernier. Donc, le telescoping skewer, tu sais, quand tu fais des saucisses sur le feu. Ou du marshmallow. Du marshmallow. Ou peut-être même de la fondue. Oui. Hein? Une broche à la fin du bâton, c'est pas assez. Non. Chaque personne a trois broches, mettons. T'as juste trois morceaux de poulet? Non. Ça marche pas comme ça. Trois saucisses cocktails? Non, pas assez. Il en faut deux par broche. Donc, avec les telescoping skewers, c'est très simple. C'est des petits bâtons, finalement, en acier inoxydable, super résistante. Et puis, avec un design rétractable, voilà. Donc, parfait pour emmener dans un sac d'expédition pour peut-être aller faire un petit feu de camp dans la forêt. Donc, ça passe de 12 pouces à 32 pouces de long. Et la poignée est en composite noir, donc qui reste froide au toucher. Et les deux petits embouts à la fin, il faut de mettre deux saucisses à dog, deux guimauves, n'importe quoi. Mium, voilà. Mium, puis là, t'as deux mains. Donc, tu peux tenir deux perches. Aha! Et quatre saucisses à dog. Voilà. Et un autre dans la bouche. Oui. Voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la qualité des gadgets inutiles. Les liens sur assemblagerequis.com, bien sûr. De toujours. Yeah! Ah, mais malheureusement, ça va devoir être la fin de notre émission d'aujourd'hui, Stéphanie. Oui, Mathieu. Toute bonne chose à une fin, comme qu'ils disent. C'est comme on dit. On va se retrouver, par contre, demain. Avant de parler de demain, parlons des gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. On parle bien sûr de William Lamontagne, qui est venu pour les élections de la GQTR. Oui, tout à fait. On a eu Alexandrine Pichessire. Avec la crème de la crème. La crème de la crème. Mm-hmm. Et Cindy Gilbert. Oui. Avec Activer votre santé. Voilà, Mathieu. Voilà, c'est tout. Demain, à l'émission, on a Véronique Mire qui va nous laisser une autre série de mots commençant par la lettre H dans la deuxième partie de son Véronictionnaire. François Landry va nous parler de politique dans son segment Logocratie 101. Stéphanie et moi, on va manger jusqu'à plus faim dans la bouffe et la malbouffe de la semaine. Oui. J'ai hâte de te présenter ce que j'ai à te présenter. Moi aussi, ça finit tout le temps bien la semaine avec toi et de la bouffe de la semaine. Ah oui. Tout le temps, chaque semaine. Hey, on va suivre encore une fois notre ami Jean-Philippe qui est couché en France en ce moment dans les péripéties de GP. Donc, soyez-y, c'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Visitez lecifou.ca pour la programmation complète. Oui, et assemblagerequis.com pour les balados de diffusion et les notes de l'émission. Tout à fait. Facebook.com/assemblagerequis. Ouais. Twitter.com/assemblagerequis. Passe une très belle journée. Merci, toi aussi, Stéphanie. Mathieu. T'es fine, t'es belle. À demain, j'allais m'entraîner. Oui, fesse de fer. Hein? Faut que je parte vite. Oh. Peux-tu donner une pichenette à ta fesse de fer? Ah oui, ça va te faire mal. Ah!